écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. La sœur Anna, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir, bonsoir Père Mignon, bonsoir mes frères, bonsoir Maurice. Comment va le pro? Et bonsoir Paris. La sœur Monique Odia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Père Mignon. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir et positionne-toi bien. Que le Seigneur te bénisse vraiment. La sœur Karine Flore, bonsoir et bienvenue. Je crois que le territoire est également muni là-bas. Elle a envie de les saluer seulement comme Chantal Bia, la présidente de la première dame du Cameroun. Honneur aux femmes toujours, honneur aux femmes d'abord. La sœur de la Rouge, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, Elisabeth. Entrée tonifiant et tonifiante, majestueuse. Bonsoir. Enfin, le seul coq de la basse cour. Bonsoir et bienvenue. Shalom, frère. Que le Seigneur te bénisse. Et comme dans la tradition africaine, il n'y a pas de coq sans la poule. Bonsoir, la poule. Bonsoir. La sœur Stéphanie, bonsoir. Donc vous êtes, ça fait une fois, vous êtes présents maintenant toutes deux. Votre programme a concilié, n'est-ce pas? Amen, amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigué pour qu'on puisse travailler maintenant. Ah, si tu es fatigué, frère, il faut aller te coucher. Donc c'est toi qui es fatigué. Donc il t'a dit, il demande si vous êtes fatigué, tu dis c'est moi qui suis fatigué alors. Non, papa, voilà, je suis en forme. Ok, ça se voit comment tu es en forme, vraiment debout. Ok. Canada dans la sainteté dit bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous rejoignent sur Ubamba Iba. Ce soir, nous nous penchons encore sur certainement des questions et des difficultés que les chrétiens rencontrent. Et que dis-je? N'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé et ce qu'il a désigné sur la terre de nous édifier les uns les autres jusqu'à la venue, jusqu'à sa venue, aussi longtemps qu'on entendra dire aujourd'hui que personne n'endurcit son cœur et que personne n'entre dans la séduction du péché. Nous sommes là penchés pour édifier les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres dans l'attente de la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes unis ce soir pour prier, remercier le Seigneur et s'attendre à lui afin qu'il nous dirige toujours dans ses voies périlleuses au milieu d'une génération perverse et corrompue telle que donnée. Au Canada maintenant, nous nous penchons ce soir sur beaucoup de thèmes et des questions qui va meubler cette soirée afin de nous guider dans les échanges que nous allons guider. Nous comptons sur lui et nous comptons sur le Saint-Esprit de nous diriger. Canada de la sainteté, bonsoir et bienvenue. Minuit et 47 minutes à Douala au Cameroun, probablement 18h et 47 minutes au Québec, si je me trompe, n'est-ce pas mon frère? Voilà. Alors je suis là, je suis à votre service. Avez-vous des préoccupations, des questions? Souvenez-vous de tous vos échanges que vous écrivez, je lis, et les rires. Et les gens qui écoutent les fantômes, les gens qui ont peur de dormir après avoir écouté les fantômes, tout cela gêné. J'attends vos questions, je vais noter vos questions. Est-ce qu'on peut vivre? Bonsoir, mon soeur. Je suis là prête à noter vos questions. Je peux poser ma question? Absolument. Dans Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 4, verset 10, c'est ça? 3. Chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je te dis, papa. Bon. Le temps que les autres frères puissent trouver, cela entre en contact. Okay. Éphésiens 3. Yes. Je crois qu'ils y sont déjà. Afin que. Oui. Afin que les dénominations, les deux, pas de les dénominations, les dominations. Allons-y, ma soeur. Ok. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par les grilles la sagesse infiniment variée. Je veux juste savoir comment est-ce qu'ils vont connaître ça par les grilles. Qu'est-ce que vous venez de dire ici? Bonne question. Allons-y au premier chapitre de ce même livre là, permettez-moi d'ouvrir la Bible là, premier chapitre. Donc la sœur nous demande, si vous n'avez pas suivi sa question, d'après le livre d'Hébreux d'Éphésiens chapitre 3 verset 10, la Bible déclare qu'enfin l'apôtre Paul, l'apôtre nous dit ici que le Seigneur Jésus-Christ dans son immense puissance a déployé la puissance du Saint-Esprit sur l'Église et afin de, à partir de là, on pourra connaître la sagesse infiniment variée des dieux. Alors au chapitre 1, et lisons pour comprendre ce qu'il est en train de dire. La sœur pose la question, comment les dominations doivent connaître ça au travers de l'Église. Allons-y, nous allons lire quelques passages. Nous allons lire le livre d'Éphésiens au chapitre 1, le livre je crois que vous connaissez déjà le livre d'un Pierre, on peut citer cela. La Bible déclare que les anges désirent plonger leur regard vers ce qui est révélé au travers de l'Église. Vous avez la vue cela, n'est-ce pas? Oui. La Bible déclare que l'Évangile vous a été prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Maintenant, regardez qu'en amont, dans le livre d'Éphésiens de Colossiens chapitre 1, le verset 8, 9 et 10, vous regardez là-bas, la Bible déclare que Christ est le chef de toute dénomination. Qu'est-ce que les dénominations ont fait? Vous avez quoi avec les dénominations même là-bas au Canada? Pourquoi je vais parler n'importe quoi, c'est toutes les dénominations qui viennent. Christ donc dit le livre de Colossiens que Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ici on parle là, on parle pas des on parle des êtres au style de commandement spirituel. Il est le chef. Il en est le chef. Et donc la Bible déclare que c'est au travers de l'Église qu'ont les dominations dans les lieux célestes. Donc ce sont des êtres spirituels qui vont comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors dans le chapitre 1 d'Éphésiens, lisons à partir du verset 3. Donc je crois que la connexion de le son de chez la sœur Anna n'est pas bon. Qui a le son qui est plus clair? Je crois que c'est la sœur. Je sais pas si la sœur Karine a son son est clair parce que chez la sœur Anna c'est un peu flou. Le son ne sort pas bien. Qui va nous lire ça alors? Personne veut lire ici, Canada. Il fait froid là-bas. Verset 3, c'est ça? Non, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'à ce qu'il dise stop. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, C'est bon, ma sœur. en lui. C'est bon. Donc, d'après ce que nous voyons ici dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 1, premièrement, la Bible nous explique que il y a eu que une pensée de Dieu. Enfin, la Bible appelle ici son projet, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et il dit, si vous lisez le livre, toujours au chapitre 3, enfin, toujours dans ce même livre-là, au chapitre 3, verset 5, dans le verset 5, du chapitre 3 d'Éphésiens, il est dit là-bas, verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Puis il dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, c'est eux qui font connaître ces choses-là. Dieu les a révélées cela. Et ils expliquent que dans les générations passées, personne n'en connaissait ces choses-là. Maintenant, et il dit que c'est le plan lui a été révélé. C'est ce que Paul l'apôtre dit ici au chapitre 1. Il dit que c'est un plan que Dieu avait conçu en lui-même de le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis. Maintenant, ça veut dire que même les anges qui étaient à côté de Dieu ne connaissaient pas le plan de Dieu derrière ces événements-là. C'est lorsqu'on proclame sur la terre qu'eux, ils sont entrés en contact pour savoir ce qui allait se passer sur la terre. Le plan se déroule au fur et à mesure. Et ils voient comme dans le film, en comprenant le scénario que le rédacteur en chef a positionné. C'est ça dont il est question, de que les dominations dans les lieux célestes vont comprendre au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'apôtre Paul, il attire notre attention, dit qu'en lisant, vous pouvez vous représenter la sagesse qu'il a du mystère de Christ. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je ne sais pas s'il va vite, dans 1 Corinthiens chapitre 2, si vous lisez le verset 12 ou le verset 16, la Bible parle là-bas que le Saint-Esprit que les chrétiens, y compris principalement les apôtres et les prophètes de Christ, comme on a vu ici, le fait qu'ils ont on a le Saint-Esprit, on connaît la pensée de Christ par rapport à telle ou telle situation. Or, cela, la façon que le Saint-Esprit est déversé sur l'Église maintenant, ça n'a pas été dans les siècles passés. C'est pour cela qu'ils ne connaissaient pas la pensée de Dieu. Il dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Et si on a la pensée de Christ, on peut donc connaître le plan de Dieu. D'où maintenant, vous voyez effectivement que chacun essaie de chercher quel est le but de Dieu pour sa vie. Les gens d'antan ne connaissent pas ça. Dieu a dit quelque chose qu'ils font, ils font ça. Chacun quitte, après, passe sur la terre. Dieu a dit telle chose, on a compris telle qu'on a dit. Or, chaque individu maintenant veut connaître le mystère de Dieu pour sa propre vie, la direction de Dieu pour sa propre vie. L'entrée dans l'entame de la Bible avec le contact de Dieu avec les hommes, les gens ne cherchaient pas cela. Ils faisaient tout simplement ce qu'ils avaient à faire et ils sortaient du monde. Maintenant, les croyants sont obligés de connaître le mystère parce que ce plan-là a été dévoilé. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire là-dedans. D'accord, ma soeur? Alors, lorsqu'on proclame l'évangile comme ça, donc, au fur et à mesure, les puissances du ciel les dominations dans le lieu céleste, pour utiliser l'expression biblique, commence à comprendre ce que Dieu fait sur la terre. Or, quelqu'un de les prêcher, ça vient de façon spontanée dans l'être humain. Puisqu'ils sont sur la terre, Jésus dit, va aller prêcher les bonnes nouvelles. Maintenant, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, verset 16, que le mystère de la piété est grand, le mystère de la piété. Et c'est de ça que l'apôtre Paul l'apôtre parle ici. Il a été révélé maintenant aux cinq apôtres et prophètes de Christ. Il a été révélé maintenant. Et on lui dit, donc, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vu par l'esprit. Prêché dans le monde. Oh non, vu par les anges. Vu par les anges. Prêché dans le monde. Élevé dans la gloire. Voilà le mystère. Dieu est venu dans une chair humaine. C'est Dieu-là. Après avoir accompli ce qu'il devait accomplir à la croix, on a commencé à le prêcher dans le monde. Les anges ont vu ce qui s'est passé. Et puis c'est lui qui a été élevé dans la gloire. Voilà donc ce que nous prêchons. Et c'est ça donc maintenant qui déploie. Parce que les gens, l'apôtre s'exclame à un moment donné dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit, oh mystère connaissant cette sagesse de Dieu-là. Qui a sondé son intelligence, comme il dit dans le livre de Romains chapitre 11. Et par conséquent, nous voyons effectivement que ce sont des plans détaillés de Dieu que Dieu a déversé sur l'Église en donnant à chaque dispensation les différentes manifestations pour amener cette épouse-là à maturité. Et en faisant donc comme ça, les anges bougent la tête en commençant à comprendre qu'on comprend le pourquoi de la mort de Christ. On comprend le pourquoi de Joseph. On commence à comprendre l'explication du pourquoi Joseph devait aller en Égypte. On commence à comprendre. Les anges comprennent ça aussi. Si Satan connaissait effectivement que ce qui devait arriver, si Joseph prophétisait Christ comme ça, il ne devait pas l'envoyer là-bas. Mais avait-il le choix? Que le Seigneur vous bénisse. Recevez un bonsoir particulier. Recevez un bonsoir particulier de la sœur Grâce. Amen. Bonsoir, frère. Oui, elle dit qu'elle souhaite vivement vous rencontrer, vous serrer dans ses bras. C'est notre souhait, frère, c'est partagé. Permettez-moi de poser la question à la soeur Anna. La soeur Anna s'est bien saisie maintenant. Donc, la proclamation de l'évangile révèle les profondeurs des plans cachés de Dieu au fur et à mesure de la dispensation et des plans éternels qu'il avait conçus lui-même. En les dévoilant maintenant, les dominations, les principautés, tous les autres grades dans les lieux célestes comprennent maintenant ces plans-là. Même les démons commencent à comprendre pourquoi eux-mêmes sont dans une telle ou telle situation. Ce n'est pas la proclamation des évangiles qu'ils comprennent cela. Ils ne se rendent pas compte que sur la terre, on connaît, même sans quelqu'un savoir avoir de vision, peut connaître des choses sur les démons. Vous voyez, parce que ça s'est dévoilé dans les Saintes Écritures. Voilà. Des questions. Ça va, ma soeur? Oui, c'est bon. J'ai une petite question encore. Quelle est la différence entre domination et autorité? Voilà. C'est un peu comme tu dirais que quelle est la différence entre un colonel et un général? Ce sont les niveaux d'autorité. Vous voyez? Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, la Bible déclare que, par exemple, que tout a été créé par lui. Trop dignité, domination, autorité. Ce ne sont pas les êtres inertes, ce sont des êtres vivants. Le trône que dont vous entendez, ce sont les êtres. C'est le style des êtres qui sont appelés trône. Vous saviez cela? Domination. Oui. Je ne savais pas. On dit les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. On dit que le trône a été créé. Le trône, ce n'est pas un objet qui a été fondé. Non. Les trônes sont vivants. Vous saviez cela, n'est-ce pas? Par exemple, le trône de Dieu, le trône de Dieu, ce sont des êtres. Où me supprimez alors? Allez, sœur. Il s'assoit avec quoi? Comment, mon frère? Il s'assoit avec quoi? Mais il dit que son trône est vivant. Parce que ce sont des êtres sur lesquels il s'assoit. Vous n'avez jamais lu ça dans les Saintes Écritures? Vous n'avez jamais lu? Vous n'avez jamais lu? On va lire alors. Bon, de toute façon, quand vous aurez le temps, promenez-vous dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. D'accord? Vous allez le voir. Vous allez voir son trône là-bas. Quand vous avez entendu cette expression, il est assis sur les chérubins. Oui. Le chérubin, c'est quoi? Ce sont les anges. Ok. Donc, ils sont vivants ou ils sont morts? Ouais. Comment? Les chérubins. Ils sont vivants. Ok. Donc, sachez que son trône parle. Et son trône a les yeux. Amen. Amen. Donc, prenez le temps de lire Ézéchiel, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, vous allez voir effectivement que le trône là. Donc, quand vous entendez que tout a été créé par lui, le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui pour lui. Ce qu'on parle là, ce sont des êtres. Ce ne sont pas des objets comme un trône sur lequel quelqu'un est assis qui est inerte. Ce n'est pas ça dont il est question. Donc, comment ça? Regardez par exemple dans l'île d'Éphésiens chapitre 6 que nous connaissons tous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Vous voyez? Contre les dominations. Les dominations, c'est une catégorie d'esprits appelée domination. Il y a des esprits qu'on appelle tourbillons. Quand vous entendez tourbillon, par exemple, qui frappe telle chose, il peut appeler ici Catherine, c'est le problème. Ce sont des sirènes qui sont à l'intérieur pour tournoyer comme ça, mais ce sont des esprits. Mais vous voyez l'effet, vous voyez la tornade en train de tourner comme ça, pourtant ce sont des choses. D'accord? Ok, des questions? Est-ce que j'ai une question? Posez les questions, mes soeurs. J'arrive à comprendre cette vérité ici là. Un Dieu si grand, si puissant, comme tu viens de développer tantôt, est subitement troublé. Allons un peu dans Jean 13. Jean chapitre 13. Jean 13, frère, Jean 13. Il fut troublé en son esprit, il dit expressément, l'un de vous me livrera. C'est ce que tu as voulu dire, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, qui a été troublé, Jésus ou Dieu? C'est vrai, c'est Jésus. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de questions, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, effectivement, cette question, c'est la question pose quand vous allez lire la Bible chaque fois sur l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut, chaque fois quand vous allez aborder un verset sur sa réaction, penser à son humanité. Pensez à son humanité et pas quand vous êtes stupéfait devant un verset concernant sa situation, pensez à sa divinité. D'accord? Donc, en face d'un verset concernant le Seigneur Jésus-Christ, pensez en même temps à son humanité et en même temps à sa divinité. Jean chapitre 11, verset 45, verset 35. Et Jésus pleura. 11, verset 45, verset 35. Et Jésus pleura. Puis, il frémit en lui-même. Lazare sort. Qui pleure? Est-ce Dieu? Dieu ne pleure pas. Voilà. Et la Bible, et lui-même, il dit que c'est celui qui demeure en lui qui fait les œuvres. Vous voyez effectivement cela, n'est-ce pas? C'est le Père qui demeure en lui qui fait les œuvres. Donc, c'est le Père qui dit Lazare sort. Parler de la Bible. Des questions? Dieu n'a pas de mots. J'ai une autre question, frère. Je note toujours en Éphésiens 3. Oui. Éphésiens 3, à partir du verset 14 et 15. Oui. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père. Je bâtis son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Un des versets que j'aime dans les Saintes Écritures. Waouh! Je veux comprendre, je veux vraiment comprendre ça. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Tu vas comprendre aussi, tu vas comprendre aussi simplement en réalité, parce que si vous qui êtes des ressortissants africains, vous pouvez bien saisir ces choses qui sont dites dans les Saintes Écritures. On vous dit par exemple que tu es de la famille. Tabé. C'est ça, hein. C'est toi, tu es de sa famille, mon frère. Comment tu réponds à sa place? Non, sa famille, dans la famille dans laquelle tu te trouves, c'est la famille de ta mère. Mais la grande famille dans laquelle tu es né, c'est quelle famille? La famille du Seigneur. Non, ta famille charnelle. Oh, famille montée. La famille montée, on va garder ce nom, montée, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand on te voit, quand tu dis que tu es de la famille montée, et que quelqu'un sort de ton village, on dit que, ah, dans leur village, c'est la famille montée, voici leur localité, n'est-ce pas? Oui. La famille qui se déplace, qui se trouve dans la ville, ils sont de la famille montée, n'est-ce pas? Oui. Donc la famille montée et la famille du village, ils font partie de la famille montée. Tire le nom de ces sources, montée, pas vrai? Exactement. Hébreux chapitre 12. Allons-y. Hébreux le chapitre 12. Merci. Vous y êtes? Il y a un bruit chez quelqu'un. Il y a un bruit chez quelqu'un. On y va, mes frères. Verset 28 et 29. D'abord, avant qu'on va remonter. Qui va lire? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. 29. avec pitié et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc tu as pitié de Dieu, c'est pour ça que tu lui rends le culte, hein, ma soeur. Et avec piété, mon frère. Avec piété. Maintenant, Dieu dit, on dit recevant un royaume. Je pose la question. Le royaume dont on parle, y a-t-il les gens dedans? Ou bien c'est vide pour le moment? Les gens qui vivent. Mais personne ne répond aussi. Il commence encore. Le royaume dans lequel qui vient là, le royaume de Dieu. Parce qu'on dit ici, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Le royaume dont on parle, y a-t-il déjà les gens ou bien il n'y en a pas? Quand vous avez fini, on va remonter dans le verset dont je veux vous amener. Il y a les gens, c'est peuplé. C'est peuplé, ok. Merci beaucoup pour la spontanéité, ma soeur. Maintenant, regardez à partir du verset 18 maintenant. On va lire verset 18 jusqu'au verset 23. La sœur Suzanne Kana, bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom, merci beaucoup. Tu n'as rien perdu, ma sœur, on vient de commencer tout juste. C'est le premier verset qu'on lit comme ça, d'accord? D'accord. Tu es sûr, ma sœur? Oui. Puisque tu n'as pas suspecté le mal chez le croyant, n'est-ce pas? Donc tu dis que tu crois, c'est pas ça. Non, il faut pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà. Donc on dit tu crois. On est en mode amour maintenant. Ok. Voilà, donc Hébreux chapitre 12, le verset 18. Normalement, la façon de lire Hébreux chapitre 12, verset 18 à 23, il faut lire le verset 18 et passer directement au verset 22 pour bien saisir ce qui est dit. Il faut lire de cette façon. Si la personne qui va lire, lisez du verset 18, le verset 18. Dès que vous aurez fini le verset 18, vous allez directement au verset 22 et 23 avant de revenir par la suite. Je vais vous expliquer le pourquoi. Allons-y. D'accord. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Et ce spectacle était si terrible que Moïse. Avant de, excusez. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà. Maintenant, toi qui as lu, ma soeur, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Paul, l'apôtre, vient de dire là? Souvenez-vous, pour ceux qui viennent de nous joindre, on est en train de vouloir voir la question. En lisant le livre d'Éphésiens au chapitre 3, justement, versets 14 et 15. Souvenez-vous encore de qui est Paul l'apôtre. Il est allé dans des endroits, les profondeurs de Dieu. Il a vu, c'était un mystère où il écrit avec peu de mots. En lisant, vous pouvez comprendre la sagesse que j'ai, l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Alors, il nous a écrit quelque chose en disant qu'il fléchit le genou devant le Père, de quel le nom, toute la famille qui sont dans les cieux et sur la terre. Il dit donc, la famille qui soit dans le ciel et sur la terre, si son nom de lui. Ont le même nom. C'est ce qu'il a dit de dire. La famille monte au village, la famille monte en ville. Alors, nous sommes en train de voir ici, il dit au verset 18. La soeur, tu as compris maintenant? Pas encore. Ok, donc on continue à développer alors. Alors, à la lecture d'ici, il est en train d'expliquer quelque chose en expliquant chaque fois. C'est comme ça les choses de la Bible. Lorsqu'on prend un problème en expliquant, il y a d'autres mystères qui se dévoilent à l'intérieur de ces explications. Il est en train d'expliquer le fait qu'il faut battre les enfants ici, parler de la sanctification. Remarquez très exactement qu'au verset 14, il dit rechercher la paix et la. Regardez comment ça va s'embriguer. Regardez, il prend à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la fumée, ni des ténèbres, ni de la tempête, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Maintenant, si Marie, si vous voyez effectivement que au fur et à mesure que les versets sont de continuer, il est en train de vouloir expliquer la portée de la sanctification, jusqu'à quel niveau la sanctification nous a amenés. Et donc, effectivement, il dit que en réalité, il ne faut pas mépriser ces choses-là, en donnant l'exemple d'Ésaü. Où est-ce là? Maintenant, à partir d'ici, donc, il se situe dans l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Le verset 19 à 20, à 21, dont je vous ai demandé de garder sans lire, il prend l'exemple justement de ce qui se trouve dans Exode chapitre 19. Si vous lisez le chapitre 19, l'ordre avait été donné lors de l'approche. Oh mon Dieu, man. Ah, je me sens, je commence à me sentir bien là maintenant. Écoutez maintenant, écoutez. Regardez, vous permettez que je parle, n'est-ce pas? Suivez très attentivement. Quand Moïse a reçu l'ordre pour recevoir la parole, souvenez-vous dans le chapitre 19, Moïse est dans la montagne, il est allé à la montagne sainte, il doit descendre, pour qu'on, c'est à partir de là qu'on a proclamé le commandement de Dieu qui était inébranlable, inchangeable. C'est au chapitre 20 donc qu'il va donner les 10 commandements. Au chapitre 19 donc il y a l'assemblée solennelle autour de la montagne. Vous voyez cela, la montagne qui était en feu à Horeb. Maintenant, quand Moïse va descendre, de façon expresse, Dieu envoie Moïse de descendre de la montagne, de dire au peuple de se sanctifier, d'être prêt que Dieu va descendre le troisième jour. Où est la sanctification? Avant l'approche de Dieu, il faut la sanctification. C'est ça qui est présenté ici. Maintenant, quand il prend donc l'Ancien Testament, il va expliquer ces mêmes choses-là. Moïse dit clairement, si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 19, il dit, pendant trois jours, ne vous approchez point de femmes. Donc, dans le cadre de la sanctification, le travail de la sanctification, le jeûne, les prières, le nettoyage, là, il faut faire attention avec l'impurité féminine. Ça va se suivre. L'homme-là ne dit pas Amen maintenant, là. Il dit Amen. Ok, ok. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que c'est l'écriture. À l'écriture, on dit Amen. Alors, Moïse donc reçoit. Je crois que ce serait bien que nous allions là-bas, liste, là. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Faisons-y un peu et on revient. Donc, souvenez-vous, ne perdez pas la question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15, de quoi est-ce qu'on parle en disant la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de lui. Enfin, on parle, le nom, c'est le nom du Seigneur. Et donc, quelle famille sur la terre et dans les cieux? Donc, Éphésiens chapitre 19, nous allons lire. Regardez à partir du verset 10. Regardez. Vous y êtes déjà, si vous avez seulement la main, comme vos micros sont fermés. Vous êtes dans Éphésiens chapitre 19, là. Voilà, je vais lire à partir du verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Les gens disent que okay, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Regardez ce qu'il dit depuis l'Ancien Testament. Et on dit sanctifie. Et la sanctification ici est clairement parlée de l'extérieur. Où est la sanctification extérieure, mes soeurs? Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Ah mon Dieu, on pourrait prendre le temps ici et parler de ces choses-ci. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Parce que si tu mets la main sur quelqu'un qui a touché la montagne, à cet instant, toi-même, tu vas être lapidé. Parce que c'est comme l'électricité que tu as touchée, ça te contamine. On ne mettra pas la main sur lui, verset 13, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, gardez-vous encore l'esprit. Parce qu'il faut qu'une trompette avant qu'il y ait la rencontre avec le Seigneur. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Vous voyez cela, non? Le type de la réunion avec le Seigneur. Et puis, pam, à la dernière trompette. Quand la dernière trompette sonnera, on sera caught up. Moïse descendit, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Et ils lavaient leurs vêtements. Il faut que chacun se nettoie. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Vous voyez? Et il dit au peuple, écoutez bien, soyez prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Vous parlez de l'impurité et de l'impudicité. Souvenez-vous, on va revenir dans le cadre des mauvaises pensées. On va revenir sur ces versets-ci par rapport à la sanctification. Parce que le nettoyage, la solution pour rapport aux mauvaises pensées, ce sont ces choses-ci. C'est pour cela que Satan a utilisé les femmes dans le monde entier pour envoyer l'impurité dans le monde. Impurité sur tous les domaines. Depuis le vêtement jusqu'à les pensées, tout est souillé. La sœur Aristide, bonsoir et bienvenue. Maintenant, regardez, verset 15. Et il dit au peuple encore le verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Souvenez-vous, le livre de Samuel, chapitre 21, verset 4 à 5, le cas de lorsque Moïse devait manger également le pain des propositions sur Abiathar. Vous allez voir de quoi il est question. Abiathar lui demandait que si ces hommes qui sont avec toi n'ont pas connu les femmes pendant 3 jours, ils peuvent manger. Voilà, allez consulter cela. Maintenant, le verset 16 dit: le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et il s'est placé au bas de la montagne. Maintenant, vous avez compris le contexte, n'est-ce pas? Donc, l'histoire qu'on a racontée là physiquement, appréhendez maintenant, rentrons maintenant dans le livre des Hébreux. Maintenant, on peut comprendre maintenant. Vous allez voir maintenant qu'effectivement, c'était un type, c'était un enseignement que Dieu donnait là-bas à l'église plus tôt. Ce sont ces plans-là donc, qu'il mettait en exergue. Rentrons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Maintenant, je vais lire du verset 18 au verset 23, une fois de plus, maintenant, en passant par le verset 19 pour que vous compreniez. Maintenant, comme on a lu. Vous êtes dans Hébreux, là, chapitre 12, là. Vous levez la main tout juste. Voilà. Vous ne vous êtes pas approché, nous sommes au verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût plus adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette éclairation. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Sans sanctification, personne peut. Quand il entend quelqu'un dire que non, je vais te dire devant Dieu, je vais me justifier. Dieu a parlé dans le bruit, dans le fort tonnerre. Les gens étaient sanctifiés pendant 3 jours. Ils ont seulement dit que Dieu, qu'il arrête de parler. Moïse parle, on va t'écouter. Ici, même Moïse me était tremblant parce que si Dieu vient parler directement, c'est un problème. Verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant. Je m'arrête donc là-bas pour expliquer donc maintenant. Alors, le type de la montagne donc, et de la réunion de l'assemblée convoquée là-bas était le type de le lieu de rassemblement des chrétiens sous la nouvelle alliance. Et donc, Moïse dit que le lieu de rassemblement dont les chrétiens sont arrivés maintenant n'est pas comme sous l'ancienne alliance où il y avait des limites qu'on ne pouvait pas toucher. Parce qu'en réalité, la sanctification là-bas n'avait pas été le standard des dieux. Mais ici, il veut nous faire montrer, puisque depuis le chapitre 10, nous disons ce même livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 19 nous dit clairement que par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Christ Jésus donc est venu sanctifier le peuple. Et la Bible déclare que par la route nouvelle, il a sanctifié et a inauguré une route nouvelle pour nous, pour que nous puissions traverser cette même route-là pour arriver de nom au lieu de la montée, au lieu de la rencontre. Et donc, dans le chapitre 10, dans le verset 14 et suivant, il dit, par une seule offrande, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené, il a, gardez mieux encore le mot du verbe, le temps du verbe, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, ici, il nous explique que le style de montagne, donc là où il y a cette réunion-là, c'est, on appelle ça la montagne de Sion, virgule. L'autre nom, c'est la cité de Dieu vivant. Dans cette montagne-là, c'est un lieu, mais ce n'est pas une montagne telle que la forme pyramidale qu'on pourra avoir dans le monde Horeb, là où il y avait le feu. L'autre nom de cela, c'est comment on appelle ça, la Jérusalem céleste. L'autre nom, c'est des myriades qui forment le cœur des anges. Et puis on dit de l'assemblée, écoutez maintenant le verset 23, de l'assemblée, c'est le lieu, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du Dieu, du juge qui est Dieu, de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Donc ceux qui sont de ce village-là, si vous voulez comprendre, et ceux qui sont encore sur la terre attendant de rejoindre ce lieu-là, les deux groupes tirent le nom du seul sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il ne m'arrête pas là-bas dans cette explication, ça va, je vais continuer ici pendant 2 heures de temps. Donc mieux j'arrête comme ça là. Donc en clair, Hébreux, Éphésiens chapitre 3, verset 14 et 15, parle de deux styles, de deux groupes, ceux qui sont sur la terre. Et si vous regardez très attentivement, si vous lisez depuis chapitre 11 des Hébreux également, la Bible. Oh mon Dieu, permettez-moi, j'ai fermé mon Hébreux. Regardez Hébreux chapitre 11, entrons au chapitre 11. Regardez. Regardez, chapitre 11 d'Hébreux. Regardez à partir du verset 13. Je vais aller à partir du verset 12. Veuillez bien suivre. Si vous y êtes déjà, levez la main tout simplement, vérifiez que vous y êtes. La sœur Arissi et la sœur Flore Karine n'ont pas ouvert leur vidéo. Bientôt, je vais fermer la main. Verset 12 dit: c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi, écoutez très attentivement. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu, ils les ont vues, ils les ont vues les choses promises. Ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Je crois qu'il doit y avoir un petit souci de connexion là, je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois que la connexion s'est interrompue un peu plus là. Vous me suivez maintenant? Voilà, merci. Saint Que, voilà, Saint-Sus-Saint-James, là, Saint-Sus-Saint. Alors, j'étais dans la lecture des Hébreux au chapitre 11 et nous étions de voir. Et la Bible déclare donc pour celui dont le cœur d'un seul homme est déjà usé, parlant de notre père Abraham, naquit une postérité telle que le nombre et ses comptes se comparent avec les étoiles du ciel et le sable qui sont au bord de la mer. Verset 13. La Bible déclare donc c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises. Donc, la prophétie a tardé. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils n'ont pas obtenu. Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez bien le mot. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, je vais me poser la question, c'est quoi donc un étranger? Je crois que vous qui êtes au Canada, vous devez avoir la certitude claire par rapport à cette définition-là, n'est-ce pas? Par rapport à vous. C'est quoi un étranger? Quelqu'un qui est dans un pays étranger. Dans un pays étranger. C'est-à-dire en clair quoi? Il n'est pas dans sa patrie, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Qui peut me donner l'exemple d'un étranger ce soir? Stéphanie. Donc toi, tu es étranger, n'est-ce pas? Oui. Mais tu vas remarquer très attentivement que dans ta définition, ça va montrer clairement que tu n'es pas issu de là-bas, mais tu es de quelque part. Tu viens de quelque part. N'est-ce pas, ma chère? Oui. Donc, un étranger sort de quelque part pour se retrouver là où il se trouve. Ok. Donc, maintenant, et quand tu quittes de lieu en lieu, dans ta vie d'étranger, tu voyages. Et donc, la Bible déclare que ces gens-ci à qui on avait promis les choses, dont ils les ont vus et salués de loin, ils n'ont pas obtenu la promesse. Il reconnaissait. C'est là qu'il s'était rendu compte qu'en réalité, ils étaient des passages. S'ils étaient des passages, ils venaient de quelque part. Ils avaient un lieu où ils allaient. Suivez bien ça attentivement. Alors, quand ils reconnaissaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs, ils sont des passages. Par conséquent, ils ne sont pas permanents dans le lieu. Mais s'ils sont de quelque part, ça se peut qu'on peut identifier le lieu. Et s'ils sont d'une famille, on peut identifier le nom de la famille. Vous voyez cela? Ils quittent de quelque part, ils voyagent pour aller quelque part. Et quelque part là, en réalité, c'est là où ils étaient. Maintenant, la Bible déclare dans verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Le mot patrie vous dit quelque chose? Patrie, ça veut dire quoi? L'amour pour son pays. L'amour pour son pays. Une terre nourricière, une terre qu'il a engendrée, pas vrai? Maintenant, la Bible déclare, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc si c'était physique, comme ils étaient sortis de Ous en Chaldée, parlant de notre père Abraham ici, parce qu'au verset 8, on dit que c'est par la foi qu'Abraham, on parle de lui. Et puis au verset 12 où j'ai commencé, on dit maintenant que c'est pour ça que par un seul homme déjà usé, dont le corps était usé, sorti, naquit plusieurs générations, plusieurs autres postérités. La Bible déclare au verset 14, donc ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc ça veut dire que comme il était sorti, si l'objectif de sa patrie était la terre où il sortait, c'est qu'il pouvait rentrer là-bas comme vous. Si vous aimez tellement le Cameroun, vous pouvez prendre le billet d'avant rentrer. Mais comme il était là-bas, il savait que c'est pas le but, c'est pas sur le pays dans lequel il est né. Il a une autre naissance qui n'est pas de cette dimension. Et donc c'est ça qui la focalisation de son âme et de son esprit, de son attention était sur cela. Maintenant, c'est pour cela que la Bible déclare verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, car il leur a préparé une cité. Voici pourquoi nous pouvons prêcher. Prêcher en étant fier. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle parole. Là-bas, on ne demande pas le visa pour entrer, ni les fiches de paye pour le regroupement familial. On y entre tout simplement par la nouvelle naissance. Enfin, on rentre à la maison. Donc, la famille qui est en haut est comme la famille qui est en bas. Nous sommes de la même famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La soeur Ena, c'est bien compris maintenant. C'est très clair maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions. Posez toutes vos questions. Canada de la sainteté, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Je remarque que j'ai dit bonsoir à la sœur Arissi. Elle m'a dit ah. Elle va dire maintenant qu'elle ne veut pas couper le fil des réponses. Des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous en pose. Laisse savoir avant que on connaît bien tes questions là. On va chercher pendant 3 mois, 4 mois, on ne va pas trouver. Mais toute question biblique, une réponse biblique, non? Oui, mais il faut que le Seigneur vraiment nous conduise à une révélation des choses cachées, frère. Merci la sœur Arissi, bonsoir à toi aussi. Alors maintenant, souvenez-vous, si le Seigneur permet qu'on mette de pied là-bas, on aura le temps de travailler dans les Écritures. On va travailler dans les Écritures. La parole va nettoyer, purifier. Alors les questions, posez les questions. Il est d'abord aussi de poser des questions. Voilà. La parole, pose la question. Voilà. Le gentleman, il se renvoie les responsabilités les unes les autres. Mais quand on n'est pas là, vous allez, il se pose des questions sur le forum, il dit des choses. Maintenant, quand je suis là, il ne parle pas. Frère. Oui. Je vais poser une question sur à quel moment le jour qui était sur le dos de Esaü a été brisé. Ce n'est pas... À quel moment Esaü a brisé le joug de Jacob sur son épaule? Mais la Bible déclare justement, quand la Bible a dit que comment il va faire pour déjouer cela. Je n'ai pas bien compris. La Bible dit que comment il va faire pour déjouer cela. La Bible prévoit que... C'est 36. Quand il serait devenu grand, j'ai pas envie de dire des choses. Mais il était déjà grand avant que les bénédictions soient entrées, non? Bon, de toute façon, sachez que le problème entre Esaü et Jacob n'a pas encore été réglé. Oui. Donc il va régler ça bientôt. Alors, mais est-ce qu'il a pu briser ce joug-là sur ce fils? S'il avait brisé le joug sur lui, c'est qu'il n'aurait pas il aurait la domination dont la Bible parle. Il ne peut pas prendre la domination comme ça. D'accord, frère? Donc le joug n'a pas encore été brisé. Donc le problème entre Esaü et Jacob bientôt sera résolu. Et puis Jacob pourra maintenant, Esaü pourra être brisé son joug de Dieu, Jacob. Vous avez déjà réfléchi pourquoi Israël est positionné entouré des pays arabes, mais pas, les pays arabes ne peuvent pas dominer. Regardez la carte et regardez le territoire. Les amateurs de Jésus noir, Jésus africain, Jésus camerounais, là, c'est pas ça dont je parle. Je parle de la carte d'Israël, même si ça vous semble faux, c'est votre problème. Mais je suis en train de parler d'Israël tel qu'on voit maintenant. En Israël, au Moyen-Orient, vous voyez le territoire d'Israël petit, au nord par les Arabes, au sud par les Arabes, à l'ouest, nord, sud, ouest, nord-est, entouré par les Arabes, le seul territoire là-bas, mais par les ennemis hostiles. Ça ne vous pose pas de problème de question? Non. Mais vous n'ai pas encore réfléchi par rapport à ça, mais je sais quand même que au nom d'Israël, ça signifie même une bonne partie des pays qui sont autour de... Mais avez-vous remarqué qu'Israël est entouré sans exception par les pays arabes? Oui, c'est... je sais pas pourquoi le Seigneur a fait toutes choses comme ça, je sais pas qu'est-ce qui suscite. Qu'est-ce qu'il veut susciter à cet endroit-là? Et c'est là-bas qu'il va résoudre le problème, n'est-ce pas? Il va résoudre le problème. entre Jacob et Ésaü. Mais une autre question, frère. Je sais pas si tu as mis ta question à stand-by par rapport à ça ou bien dans ça, comme tu as bien dit, il va. Je voulais savoir quelle est la relation entre Ésaü et les musulmans. Bonne question. Tu vois, effectivement, tu as posé la question. Je te dis que le territoire arabe, Jésus va bientôt résoudre le problème. Vous posez la question. Regardez, lisez et travaillez là-dessus doucement. Je veux que, un, vous fassiez ceci. Vous regardez la généalogie d'Ismaël dans la Bible et la généalogie d'Ésaü. Vous posez la question, ils sont les ancêtres de qui? Vous devez répondre à cette question. Ça, c'est la première question que vous devez résoudre. D'accord? C'est-à-dire que, regardez la généalogie jusqu'à là où la Bible s'arrête. Vous ne pouvez pas aller pousser au plus loin. Jusqu'à là où, c'est-à-dire les enfants qui sont nés d'Ismaël, ceux qui sont nés d'Ésaü. Et maintenant, quand on parle la suite, la deuxième indication serait dans le livre de Josué au chapitre 13. Josué, chapitre 13. Vous regardez les territoires occupés par les différentes tribus d'Israël, Manassé, haut de Zabulon et haut de là-bas, leur position. Qui est-ce qui va venir chasser sur le territoire pour pouvoir prendre possession de cela? D'accord? Mm-hmm. Et les peuples qui ne vont pas chasser, que Dieu va utiliser contre eux, vous les notez. Quand vous allez finir de noter, maintenant vous rentrez encore dans la Genèse, lors de la mission de réconciliation d'Ésaü et de Jacob, la marche de Jacob vers son frère Ésaü. Et vous allez sortir avec la question, la réconciliation a-t-elle eu lieu finalement? Vous me suivez? La réconciliation a-t-elle eu lieu finalement? Deuxième question, où s'est dirigé Jacob après avoir rencontré son frère et où s'est dirigé son frère après avoir rencontré Jacob? Troisième question, que signifie cette séparation? Vous voyez effectivement qu'on ne peut pas blaguer avec la Bible tout simplement en disant n'importe quoi, n'est-ce pas mon frère? Mm-hmm. Voilà donc les coins pour travailler, pour comprendre ces choses. Si on ne se lève pas le matin seulement pour dire que moi, il pense que non. Il faut du travail là-dedans. Frère. Oui. Oui, en travaillant comme tu viens de dire là, est-ce qu'on peut donc trouver la réponse à la question qui est la suivante? Ismaël est-il sauvé? Sauvé de quoi? Il avait un problème. Ah. Son âme. Qu'il soit sauvé, on n'a pas de problème avec lui. Qu'il ne soit pas sauvé, on n'a pas de problème avec lui. On voit que Dieu a choisi Israël. Point. Parce qu'on ne peut pas le rescourir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il est d'abord venu comment? Ismaël est d'abord venu comment? Il est venu par la volonté de Dieu, oui ou non? Il est venu par la volonté. La question que je me pose, parce que c'est ça. La Bible, qui l'a mis à gare. La Bible dit qu'il est venu par. Il est né selon la volonté de Dieu, oui ou non? La volonté. Ouais. Tu es sûr? C'est pas la volonté permissive, ça. Non, j'ai pas mis permissive, ça y est, il demandait la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui naisse? Non, oui. Est-ce qu'il est venu selon la volonté de Dieu? Non. Qu'est-ce que c'est non? Est-ce que Isaac est venu selon la volonté de Dieu? Non. Maintenant, tu as lu cette parole. Avez-vous lu cette parole de l'Écriture? Le fils de la femme libre n'héritera pas. Avec le fils de la veuve, avec la servante. Vous avez lu ça, hein? Romains 9. Qu'est-ce que vous comprenez? Romains 9. Quel Romains 9? Je crois que c'est dans Romains 9. C'est Galates chapitre 4. Allons lire alors, à partir du verset 1. Et la sœur Stéphanie. Galates 4. Galates du chapitre 4. Oui. Merci. À partir du verset 1. Merci. À partir du verset 1, lis la sœur Stéphanie. Quel verset, frère? Verset 5. Donc, ta part, c'est 5, c'est comme ça. Hein? À partir du verset 1. Ok, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, c'est quand tu es fils que tu es héritier, n'est-ce pas? Oui. Alors, verset 21, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alors, il y a eu une petite interruption de connexion. On recommence encore verset 24, s'il te plaît. Ces choses sont allégoriques, je crois. Oui, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Vous vous souvenez tout à l'heure que nous avons lu Hébreu et vous avez vu que c'est le même montagne là, n'est-ce pas? Oui. Les Bibles, tout ce qui est mis dans la Bible n'est pas pour rien. La sœur Alphonsine Bobionsoy est bienvenue. Bonsoir frère. On vient juste de commencer. Continue la sœur. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Stop. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. En Arabie. Mais là, on commence à voir. Vraiment, je ne sais pas quel jour on pourra avoir ce genre de choses. Mais la Bible déclare que cette femme d'Abraham là, à qui Abraham a eu, c'est un Égyptien. N'est-ce pas? C'est une Égyptienne. C'est pas ça, mon frère? C'est ça. Ok. Maintenant, ici, on commence à dire que Agar, c'est le mont Sinaï. C'est le mont quoi? Sinaï en Arabie. Et là, on commence à indiquer quoi maintenant? Au lieu, hein? Pourtant, c'est un Égyptien, mais on nous envoie en Arabie. En Arabie, quoi? Quelle Arabie? L'Arabie, c'est quoi? L'Arabe. Ok, continue à lecture. On va voir ça un de ces jours. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Vous vous souvenez de Hébreux chapitre 12 qu'on a lu, non? Oui. Continue. Verset 27. Un verset que tu aimes beaucoup plus. Un verset que tu aimes beaucoup plus. Et c'est bien comme c'est toi qui le lis. Allons-y encore. Hé, mon frère. Verset 27. Car il était. Rejouis-toi, femme stérile. Toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. Est-ce que tu as fait comme ça, ma soeur? Est-ce que tu as éclaté comme ça en cri? Tu as crié, ouh, je me réjouis. Si des fois, c'est seulement que Dieu laisse l'affaire là. Tu ne dois pas te réjouir, n'est-ce pas, ma soeur? Quand tu te m'énerves contre toi. Contre moi. Ne m'attaque pas. C'est moi qui écris. Lisons, ma soeur, lisons. Bonsoir, ma soeur, lisons. Car les enfants. Car les enfants adolescents seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Tu entends ça, ma soeur? Oui. Oui. Verset 28. Pour vous, frère, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Oui. Amen. Oui. Et de même qu'alors celui qui était né de la chair persécutaient celui qui était né selon l'Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Oui. Amen. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave méritera pas avec le fils de la famille. C'est terrible. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Alors, nous ne pouvons que dire Amen. Mais l'Écriture sans appel au verset 30, avant de finir dans verset 31, que le fils de la femme esclave n'héritera pas. Des questions? Oui. Mais en fait, moi, c'est par rapport à la compréhension du texte. Quand il dit que, car la Bible dit, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. De qui parle-t-on là? Bonne question. Relis encore en regardant. Quand tu, qu'est-ce que tu constates? On parle de qui? Je relis tout le verset. Parce qu'on a, commencé par dire, réjouis-toi qui? Stérile. Oui. Il est question de deux femmes ici. Les deux femmes représentent Agar et Sarai. Parmi les deux, qui n'enfantait pas? Ça, c'est Sarah. Voilà. Donc, tu vois effectivement que ce que tu as dit comme marié n'est pas marié au sens comme vous entendez. Ok. Donc, on parle de celles qui avaient d'enfants, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Des questions? Il y a une question qui m'est venue dans, lorsqu'on lisait comment peut-on naître de la chair? C'est simple, en regardant comment l'autre est né de la chair. Puisqu'on a dit qu'il y a la naissance selon la promesse, notre sang dit que si Dieu n'a pas promis de vous naître de nouveau, oubliez. Hier, on a eu un sujet donc, qu'on partageait sur le forum là, par rapport aux plaisanteries. Oui. Est-ce que tu peux nous édifier dessus? C'est quoi, ma soeur? Mais c'est sur les plaisanteries. Parce qu'on se posait la question, bon, c'est sûr, on a eu une autre version du verset qui édifiait mieux. Mais en même temps, on se posait la question sur ce que la Bible autorise dans les plaisanteries et ce qu'elle n'autorise pas. Voilà. Comme exemple. Les paroles grossières. Non, bon. Celle-là est dite déjà de façon explicite. Là, on sait que ça, c'est banni les paroles grossières. Mais c'est parce que dans la conversation, il y avait maintenant des exemples qu'on se donnait. On disait, bon, ceci peut-être, ce n'est pas permis, des choses comme ça. Oui. Et donc, vous arrivez à quelle conclusion, ma soeur? Ça, c'est dans Éphésiens au chapitre 5, verset 4. La conclusion, c'est Éphésiens. Ce que tu as dit, c'est en Éphésiens chapitre 5, verset 4, n'est-ce pas? Oui. Lisons le verset. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui. Amen. Alors, donnez-nous un exemple d'action de grâce. Merci, Seigneur. Voilà. Quoi encore? Un exemple encore, mes frères et mes frères. Bénis ma soeur. Un autre exemple. Que le Seigneur te fortifie. Oui. Encore d'autres exemples. Ma soeur de la Roche. Bon courage. Bon. Continuez d'autres encore. Exemple, Alphonsine, la soeur Annie ici, la soeur Florence. Je t'aime, ma soeur. Je t'aime, ma soeur. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Donc voilà donc comment voilà ce sont les tollés des choses comme ça qui doivent sortir au milieu chrétien, n'est-ce pas? Amen. Intrapelia en anglais ça se dit crude jogging. Si vous regardez la version grecque de mots qui est traduit par vous appelez par plaisanterie, c'est intrapelia. En anglais, dans la version anglaise de King James, vous allez lire là, c'est crude jogging. D'accord? Ça dit que les paroles déplacées qui n'ont pas de sens dans le contexte où on se réjouit par rapport au Seigneur, où on se place devant le Seigneur. En tout cas, devant ce Seigneur, on ne devrait pas plaisanter. Alors, je dis souvent en disant tout simplement que lorsqu'on se réunit, il faut faire attention de ce qui sort de notre bouche. Parce que dans notre milieu, enfin, vous devez être au courant de ceci. À tout moment, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, c'est quand il commence à se manifester d'une certaine façon qu'on commence à voir que c'est lui qui était à l'œuvre. Mais pourtant, dans la parole, on est de le dire droitement, sans une manifestation physique, on ne peut pas le voir à l'œuvre. Mais pourtant, quand ils commencent à revenir, vous dites, ah, il faut qu'on fasse attention maintenant, il faut qu'on prenne attention maintenant. S'ils commencent à dire maintenant, toi, telle soeur, il y a telle chose maintenant, vous dites, ah, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Et depuis qui parlait donc dans ces cas? C'est pas ça, mes frères. C'est ça, mon frère. Le frère Eden est où? On n'a pas eu de ces nouvelles ce matin, depuis ce matin. Vous avez mangé des mères, de l'abeille et des rayons de miel. Vous avez médité, comme il a dit. Des questions? La douleur de l'enfantement. Bon, moi j'ai une question, mais je ne sais pas si tu vas répondre, parce que je sais que dans un enseignement, tu as dit que tu prendras le temps de le faire. C'est quand je disais Naoum, c'est Naoum 1, c'est Naoum. Naoum. Ou. Attends. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Oui. Du coup, on a déjà parlé de la colère même de Dieu. Que c'est normal. Je crois qu'on a déjà expliqué dans un enseignement. Je ne sais pas dans quel enseignement. Sur la colère et la jalousie. En fait, la jalousie, c'est un nom de Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il n'est même pas jaloux. Il est, c'est même son nom. Oui. Qu'est-ce que tu voulais savoir, ma soeur? C'est en fait, ce qui m'a frappé, c'est l'Éternel garde rancune à ses ennemis. Oui, non. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Tu veux pas qu'il garde rancune? Il faut qu'il garde rancune pour pouvoir le garder dans le cœur, pour pouvoir le punir. Que tu avais fait telle chose, pam, il est puni. Sinon, il ne peut pas, sinon il va le pardonner. Tu aimerais que, ça, que Dieu pardonne à Satan? Ah non. Donc tu es d'accord? Donc tu es d'accord que Dieu soit rancunier? C'est ça, c'est le thème là qui pose problème, tu vois, non? Ça sonne bizarre. Éphésiens, Ésaïe chapitre 63, allons-y, prends cela. Je vous aime, mes soeurs, mes frères, je vous aime. Amen. Ésaïe 63. Ésaïe 63, à partir du verset 1, jusqu'à ce qu'il dise stop. La soeur Suzanne. Je pensais que tu allais lire, ma soeur. Hey, j'étais avec lui. C'était quel verset? À partir du verset 1. Qui est celui qui vient des dômes, de Bosra? Stop. En vêtements rouges. Tout à l'heure, nous lisions, tout à l'heure, je vous ai donné les exercices à travailler sur Josué chapitre 13. On dit que cette personne-ci qu'on a de l'interroger, qui vient de Bosra, des dômes. Vous savez qui est Edom, n'est-ce pas? Oui, mettez les ancêtres d'Esaü. Non, mettez entre parenthèses Esaü. Vous y êtes? Oui. Je ne sais pas si vous avez les Bibles électroniques, comme vous êtes modernes maintenant, là, c'est votre problème. Entourez Bosra, parce que dans un autre enseignement, c'est avec vous qui va travailler cela. On va travailler sur ce thème-là, puisque vous avez posé la question concernant cela. Nous allons parler d'Israël et d'Edom là particulièrement. Alors, vous remarquez qu'ici, on dit que cette personne-ci vient de Bosra, et d'Edom et de Bosra. Pas vrai? C'est quand même curieux que cette personne-ci sorte de Bosra, il sorte d'Edom. Pourtant, c'est le Dieu d'Israël. Allons-y, continuons la lecture. En vêtements rouges. Stop. Donc, il sort de Bosra en vêtements rouges. Ça veut dire que son vêtement s'est souillé là-bas. Ça veut dire la tache. On dit qu'il est tacheté de sang. De rouge. On va voir par la suite. Mais il a obtenu cela à Bosra et à Edom. Que les musulmans continuent à faire les bêtises qu'ils font là-bas. Continue. Allons-y. En habit éclatant. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut. Stop. Stop. Vous voyez, deux voix parlent là dans la Bible, mais tu veux dire avec une voix. Et c'est ça qui fait problème dans les Saintes Écritures. Regardez, si vous lisez le psaume 110, vous allez remarquer, ou regardez, la Bible déclare, le psaume 110. Vous regardez, la Bible déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu fasses ton ennemi, ton marche. Puis vous avez la façon qu'il est cité. Oui. Maintenant, regardez comment il se dit encore. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche. Puis vous voyez que ça fait deux personnes, n'est-ce pas? Oui. Il y a un Seigneur qui dit à un autre qui est aussi Seigneur que assieds-toi jusqu'à ce qu'il traite avec tes ennemis. Vous avez vu, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un a une vision, le prophète a une vision. Et dans la vision, il a déjà posé la question. Il voit quelqu'un dans l'écran qui se présente. Il se pose la question, mais qui est celui-ci qui vient de toi? Il veut dire, en réalité, c'est une conversation de personne à personne. Mais toi, tu sors d'où avec ces gens d'habits comme ça de Bosra? Vous voyez? C'est le prophète qui parle dans l'esprit. Et plus, maintenant, la personne répond. La personne répond maintenant, c'est sa voix qui tourne maintenant. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Parce qu'il a posé la question, qui est celui-là? Il lui répond maintenant, c'est moi, celui qui promet le salut, c'est lui dont il est question. Celui qui revient là comme ça. Or, si vous lisez avec la voix, tout simplement, vous allez croire que c'est une histoire de littérature. Alors, il faut faire attention chaque fois lorsque la personne entre en action, lorsque le Seigneur parle, ainsi de suite. D'accord? Oui, frère, parle-nous. Comment pas avoir cet esprit pour pouvoir comprendre les écritures de cette manière et comprendre la voix qui est derrière cette parole? Comme il a dit dans Matthieu chapitre 25, là-bas, au vieux, il faut aller en acheter vers ceux qui vendent. C'est pas ça? Je n'ai pas bien compris, frère. Il a dit qu'il faut qu'on parle acheter avec ceux qui vendent. Non, il faut l'acheter l'huile. C'est ça. Ouais. Non, mais on vient de lire là maintenant. Nous sommes venus de découvrir ensemble. Ça doit être, oui. Ça doit être à l'intérieur. Ça doit être inné. C'est incorporé en nous. D'accord? C'est incorporé en nous. Vous pouvez entendre sa voix. En lisant, vous entendez sa voix. C'est pour ça que quand il parle audiblement, vous pouvez entendre. Parce que sa voix n'est pas différente de celle qui est dans les Écritures. S'il vous parle, il vous parlera. Si vous lisez la Bible, par exemple, comme la sœur Monique lit, comme je parle avec lui, comme toi, frère, je parle avec toi. Quand tu lis ton écriture, on entend ta voix dedans. Parce que ta voix est couchée dans tes écrits. L'état, quand tu saisis ton clavier pour taper les choses, tu t'exprimes, tu parles en toi pour écrire ça. C'est vrai. Et parce que quand quelqu'un connaît ta voix, en lisant, il entend ta voix dans son esprit. Tu comprends ça, frère? Et donc, au travers de ton écriture, on peut savoir l'état de pensée et l'état de ton cœur et l'état d'âme dont tu le dis, tu l'écris, l'émotion qui t'anime. Amen. Alors, donc, apprenez à écouter l'écriture, vous entendrez la voix de Dieu. Vous entendrez certainement. Alors, maintenant, continuons, ma soeur. J'espère que vous avez compris. Je continue la lecture. C'est moi qui ai promis le salut. Voilà, vous avez compris que c'est deux personnes, n'est-ce pas? Oui. Continuons. C'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Stop. Donc, vous voyez que la conversation continue. Il a répondu à cette personne. Cette personne lui continue à poser la question. Ok, c'est toi qui as promis le salut. Pourquoi donc tes vêtements sont-ils rouges? Vous ne pouvez pas lire ça comme si c'était une littérature, comme si c'était un truc que quelqu'un a écrit comme ça. Là. C'est une conversation. Parce que la personne, si, souvenez-vous, c'est le livre des prophètes. Et les prophètes ont des visions. Ce sont des choses qu'ils ne voient dans la vision. Il écrit seulement. C'est une conversation. Je crois qu'en littérature, vous avez fait littérature. Dans ces choses-là, on parlait des centres de communication. On met un tiret, on met ce que la personne A parle. On met tiret, on met ce que la personne B parle. Mais la différence, c'est que ce n'est pas écrit de cette façon, c'est dans la Bible. Si c'était écrit de cette façon, c'est comme on fait en poésie ou bien dans la littérature, vous comprendrez ces choses facilement. Mais grâce au rendu à notre Père qui a mis ça comme ça pour que ce soit son esprit qui dirige. Continuons, ma soeur. Pourquoi tes vêtements Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Maintenant, il répond. J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Oui. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Stop. Donc finalement, il lui dit ce qui s'est passé à Bosra et à Edom. Ce qui s'est passé pendant qu'il faisait ces choses-là pour... Il les a foulés. Il était en colère contre eux. Ha! Vous parlez de... Vous avez là, lui, dans le livre du prophète Michée, enfin, même dans le prophète Esaïe, ce qu'il va faire à l'Assyrien, on dit que celui qui va entrer, il va dresser, on va faire lever contre lui cette pasteur. Celui qui va tuer l'Assyrien, le jour qui va entrer dans notre pays, dans le territoire d'Emmanuel. Vous avez là, lui, ça, non? L'Assyrien. Continuons à lecture, ma soeur. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, voilà. Et l'année de mes rachetés est venue. Stop. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit maintenant, non? Par rapport à sa rancœur Oui. dans le livre de Nahum, là, non? Oui. Donc, il faut que ces rancœurs dans le cœur, qu'il les garde dedans pour pouvoir les traiter. C'est pour ça que la Bible déclare que du haut des cieux, l'Éternel regarde les méchants et il rit parce qu'il sait que son jour arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas se venger, il ne faut pas dire du mal de n'importe qui. Parce que c'est qu'il va punir cela. Quand quelqu'un vous dit n'importe quoi, dites gloire à Dieu. Bénissez seulement. En faisant ça, la Bible déclare que c'est le charbon de feu que tu mets sur sa tête. Donc Dieu va le traiter. D'accord, c'est fini donc. Je regardais et personne pour m'aider. Oui. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Mmh. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Oui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Oui. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. C'est terrible. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Oui. Amen. C'est bon. Donc vous avez vu donc la conséquence donc, de ces rancœurs qu'il avait sur le cœur. C'est pour exercer. Et comme il n'a pas dit, gardez-vous à l'esprit que Dieu n'a pas dit qu'il a les rancœurs contre ses enfants. Il a dit contre ses ennemis. Mmh. Et remarquez très attentivement, il dit que l'année de mes rachetés est arrivée. Donc ça veut dire parce que ces gens sont contre lui, parce qu'il touche à ses enfants, il touche à ses intérêts. Dieu doit défendre. Voilà. T'as compris, ma soeur? J'ai compris. Oui. Amen. Posez des questions. Je suis à votre service. Est-ce que ça explique dans. Quand David avait rencontré, c'est quoi, c'est Shimei, non? Qu'il avait insulté? Oui. Au flanc de la montagne. C'est ça. Et puis, quand il est revenu, Shimei est venu se prosterner pour demander pardon. Mm. David a accepté les excuses. Exactement. Ok. Mais moi, ce qui m'a encore surpris, c'est que sur son livre de mort, quand il transmet son héritage à son fils, oui. Salomon, il lui rappelle que tu te souviens de ce que Shimei m'a fait, non? Oui. Il ne faut pas manquer de le traiter. Et qu'est-ce que Salomon a fait, justement? Et Salomon l'a tué. C'est pour dire effectivement qu'aucune parole qu'on aura dressée contre un saint ne peut pas tomber en désuète sans être puni. Fais attention, non? Amen. Il s'en remettait de celui qui juge. Vous voyez, cela, c'est terrible. Regardez le cas David de... David n'a pas pardonné. Comment, ma soeur? Il dit David, alors, n'avait pas pardonné. Il n'avait pas pardonné. Non, il avait pardonné. C'est le Saint-Esprit qui donnait les instructions pour pouvoir nettoyer le trône, d'accord? Ok. Voilà. En tout cas, cela doit nous faire comprendre qu'il n'y a aucune chose qu'on fait à un saint. Parce qu'il était, remarquez très attentivement, la personne de David était sous le contrôle du Saint-Esprit. La punition était la punition du Saint-Esprit. Donc dans cette punition-là, un peu comme par exemple du Seigneur Jésus-Christ, quand il était puni, maltraité, les gens se moquaient de lui, croyant que non, il est coupable devant le Seigneur. Regardez encore Job, quand Job était dans la punition de Dieu pour pouvoir exercer son jugement sur lui, les gens venaient se moquer de lui. Ah, tu as péché, regarde, observe bien ceci. Mais il était sous la couleur de Dieu, sous la houlette de Dieu. Mais regardez ce que Dieu va dire quand il va revenir quand il va vouloir bénir Job. Il va dire à ses amis d'aller demander pardon à Job, que Job offre le sacrifice pour eux parce qu'ils n'ont pas bien parlé comme son serviteur Job. Vous voyez cela, tu vois? Donc, alors, Salomon joue le rôle justement de celui qui revient de Bosra ici, parce qu'on vient comment il vient pour juger. Si vous prenez le cas de Jéhu le roi, pas le Jéhu le prophète, pas Jéhu le roi. Oui, ma soeur. Donc, ça veut dire, quand je t'écoute, là, ça veut dire que parfois, là, il arrive des choses dans la vie d'un individu et que c'est la volonté de Dieu. Et que si tu parles un peu de façon déplacée, là, c'est Dieu que tu offenses. Exactement. C'est pas la personne. Je peux prendre une quarantaine de ces exemples dans la Bible. Commençons dans le livre de Genèse. On peut y arriver. Mm-hmm. Normalement, l'homme doit protéger sa femme au point de donner sa vie pour elle, pas vrai? Amen. Abraham. Comme moi. Comme toi. Abraham a plutôt livré Sarah au point où on pouvait coucher avec Sarah. Pas vrai? Ah oui, c'est pas vrai. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais Dieu a protégé Sarah. Et cet homme avec qui Dieu parle, Abimelech, dans le livre de Genèse chapitre 20, dit à Dieu que tu sais que j'ai agi avec innocence parce qu'il m'a dit c'est ma soeur. Donc Abraham a induit Abimelech en erreur, n'est-ce pas? Mm-hmm. Dieu dit que je sais que tu as agi avec pureté de cœur. C'est pour cela que j'ai empêché que tu pèches contre moi. Maintenant, remets la femme de cet homme, si car il est prophète, et il priera pour toi. Parler de Bible. N'est-ce pas? Il a fait la même chose avec Pharaon. Dieu a frappé d'extérité la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Et tout ce qui lui appartenait. La délivrance de cette malédiction, c'était Abraham qui a prié. Vous avez cela? Regardez le prophète Noé. Vous avez ce qu'il a passé? Quel abus il a saoulé? L'ivresse, c'est un péché, oui ou non? un péché. Quand il est sorti de son ivraie, la première chose qu'il a fait, il a prophétisé, c'est pas vrai. Oh, il n'a pas vu ça. C'est quel verset? Genèse chapitre 9, allons-y. Chambre. Beaucoup de courage, la sœur. Beaucoup de courage à vous. Merci. On y va. Oui. Chapitre 9, verset 18 et suivant. Lis ça, ma sœur. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham furent le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave, l'esclave des esclaves de ses frères. » Ok. Tu dis ici là que c'est une prophétie parce que à ce moment, on ne connaissait pas le nom de Canaan. C'est ça? Tu es trop forte, ma soeur. Continue la lecture. Trop forte. C'est que... Ok. Et il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende leur possession que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est terrible. Noé. Noé vécu après le déluge. Noé vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc, quand il s'est levé, le Saint-Esprit ne l'a pas reproché de la livresse, comment il a fait juste parce qu'il a marché nu. Parce que le but de la nudité, un de ces je vais enseigner sur cette nudité, c'est le pourquoi il fallait qu'il boive pour être nu, pour accomplir cette prophétie-ci. Souvenez-vous, dans le jardin de Marc, chapitre 14, quand on a attrapé quelqu'un là-bas à côté de Jésus, on a attrapé le pain et puis il est sorti, il s'enfuit nu. Souvenez-vous de Jésus dont on a déposé ses vêtements avant de le mettre à la croix. On a partagé ses vêtements et le plus grand là, on a dit tirer au sort. Souvenez-vous. On va y revenir dans notre enseignement, Dieu voulant. Maintenant, ici, lorsqu'il finit de sortir de l'ivresse, il n'y a aucune reproche de lui nulle part de l'ivresse qu'il a eu. Normalement, la première chose qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait dire que c'est à cause de toi qui as bu. S'il n'avait pas bu, c'est que ton fils n'avait pas voir la nudité. Mais quand il entend, on a dit qu'il attend, il a appris ce que son fils aîné, son fils lui avait fait, cadet lui avait fait. Il a dit que maudit soit Canaan. Il n'a pas dit pardon mon fils, c'est que j'ai bu le vin, c'était trop bon, ça m'a amené. Non, non, non, non, non. Vous pouvez continuer comme ça avec le cas de Moïse qui a tué en Égypte. Vous pouvez continuer comme ça avec le cas de David, comme on a vu que le cas de Chiméen. Et dans l'une des deux Samuel chapitre 1 particulièrement, vous voyez un garçon qui vient, un Ammonite qui vient et donne le rapport à David que il a tué le roi qui était l'ennemi de David. David était étonné. David a croisé le doigt, il disait que mince. Que dis-moi comment tu as fait, le gars était encore bien. Et puis Dieu a dit, quand David a pris le pays, il a demandé qu'on le tue en disant qu'effectivement que tes paroles témoignent contre toi parce que tu n'as pas craint d'mettre la main sur loin de Dieu. Et la personne qui l'appelle loin de Dieu, c'est quelqu'un qui est en disgrâce devant le Seigneur. Regardez ça à l'esprit. Ouais. On doit faire attention à ce qu'on dit. Et à ce qu'on fait. À ce qu'on participe. Même si quelqu'un est en disgrâce devant Dieu, il est dans la punition de Dieu. Tu mets ta main là-bas, après que ça va là-bas puni, Dieu va te traiter. Ouais. Même s'il est dans le péché. On doit faire attention. C'est ce que la vie de David a enseigné. Le fait qu'il a vu que David, que Dieu avait rejeté Saül et pour le prophète lui avait dit. Et là maintenant, je crois qu'une fois de plus, nous avons un problème avec la connexion ici. Je crois que nous avons encore une petite interruption de connexion là. Donc en résumé, Dieu punit et le méchant et sa méchanceté, et il punit ceux qui se moquent du méchant. Souvenez-vous de cela. C'est pour ça que la Bible déclare même que ne te réjouis pas de la chute de tes ennemis. D'accord, mes soeurs? Oui. Des questions? 2h05 à Douala, au Cameroun. Des questions? Merci. Je peux vous poser donc des questions alors? Oui. Première question, comment Noé savait-il que le petit-fils de Canaan, des champs, sera Canaan? Je pense que c'est l'esprit qui lui a dit cela. Donc, l'esprit vient sur les soulas alors? Ouais. Ah, j'ai un seul. Mais c'est pas lui, c'est Dieu qui lui a... c'est une révélation. Donc, Dieu donne une révélation aux soulas. Et Noé, c'est un prophète, non? C'est le prophète qui parle à ce moment. Donc, les prophètes ont droit à boisson jusqu'à saouler, quoi. Je vous ai dit, bien aimé, que laissez pas le frère, je dois poser des questions. Dans ce cas, posez alors. Je suis avec vous. J'ai les feuilles blanches, j'attends que vous posez des questions, j'écris et puis on les répond. Il y a plein de questions là-bas qui, si je les pose, ça peut dresser les cheveux aux gens. Stéphanie, oui, pose la question, ma soeur. Oui, c'est parce qu'il y a un de ces enseignements là que j'ai. C'était le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est habité en toi, c'est ça? Et puis j'ai décidé d'aller chercher moi-même. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à lire le livre de Luc. Et quand j'ai. Lisais le livre de Luc, j'étais frappée parce que chaque fois, tu vois un peu quand c'est Élisabeth. Quand la parole de Dieu dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et quand elle dit ça, la suite, c'est qu'elle commençait à prophétiser. Tu vois un peu, non? Donc, dès que la parole dit, elle fut remplie du Saint-Esprit, la prophétie qui arrivait aussitôt, de la même manière que Zacharie. Oui. Remplie du Saint-Esprit. Et puis maintenant, quand on dit souvent qu'il y a être rempli du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit vit en nous. Parce que parfois là, on dit que ah, tu as endormi, donc parfois là, je fais des choses et puis je n'ai plus envie de prier et tout là. Ça veut dire que j'ai attristé le Saint-Esprit en moi. Et puis c'est ça que l'autre partie, j'essayais de lire parce que je suis allée taper sur Internet en prenant le terme rempli du Saint-Esprit. Et chaque fois que je mettais, toutes les parties sont sorties dans la Bible et il y avait une prophétie qui sortait après. Mais le fait que le Saint-Esprit aussi habite en nous, qu'on puisse être le Saint-Esprit, c'est ça que c'était la partie que je ne comprenais pas très bien. Donc, si je comprends très attentivement, après avoir écouté l'enseignement sur as-tu le Saint-Esprit de Dieu demeurant en toi, ça t'a poussé à aller faire la recherche. Et tu as essayé de collaborer, de travailler autour du thème de rempli du Saint-Esprit. Tu as constaté que chaque fois quand. Rempli du Saint-Esprit, oui. Voilà. Chaque fois quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit dans la Bible, il y avait des manifestations, disons comme cela, qui se suivaient particulièrement par les prophéties. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux dire donc de ton côté alors? Est-ce que tu peux dire donc sans risque de te tromper que tu as été rempli du Saint-Esprit un de ces jours? Non. Il y a un problème. Ah, je n'ai jamais prêté. Alors dans ce cas-là, la question de demeure donc comme type d'enseignement, as-tu le Saint-Esprit de Dieu habitant en toi? La question doit être répondue par chacun de façon individuelle, n'est-ce pas? Je pense que je me pose encore les questions. Hein. Voilà, donc il faut aller à la solution. Je crois que oui. Bon, je suis dans ce. Je suis encore en réflexion, en étude. Pour arriver à quelle solution? Pour répondre à cette question-là, n'est-ce pas? Pour comprendre. Pour comprendre parce que tu avais dit quelque chose, mais tu n'as même pas répondu. Tu as dit que quelle est la différence entre Esprit Saint et Saint-Esprit. Ça, c'est tout autre chose. Internet, je n'ai rien trouvé. Oui, on ne peut pas être là-bas. Parce que c'est pas, Dieu n'enseigne pas là-bas. Alors, il faut donc savoir que ça, c'est tout autre enseignement. Parce qu'à un moment, le Saint-Esprit ne veut pas dire la personne du Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit veut dire sa personne, que c'est son nom. D'accord, ma soeur? Alors, peut-on parler encore du Saint-Esprit un peu en glissant ce soir sur le Saint-Esprit? Qui donc est le Saint-Esprit? Oui, moi, je pense que c'est très important de se comprendre aussi pourquoi est-ce que il a fallu que Noé boive. Pourquoi est-ce qu'il a bu? Non, c'est vrai. Là, tu as donné. Tu es intelligent. Elle fait l'enseignement maintenant. Là, c'est Karine. Non. C'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a même bu. Attends, tu es quitté de. Elle n'a pas eu le Saint-Esprit. Tu reviens sur Noé. Tu es intelligent. Viens juste comprendre. Est-ce que Karine a des questions? Oui, c'est vrai. Parce que tout à l'heure, tu as dit à la sœur Stéphanie, alors tu réponds à cette question, es-tu habité, es-tu rempli du Saint-Esprit? Si à la lecture de ce qu'elle a eu à faire son étude, elle peut dire par expérience qu'elle a eu déjà eu à être remplie du Saint-Esprit de ces jours. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, bon. Mais ma question c'est, est-ce que si on a été rempli du Saint-Esprit sans avoir été habité par lui, est-ce qu'il y a une différence? Exactement. Et c'est ce qui est dit dans cet enseignement. Comme il a dit, si vous avez fait l'étude, vous allez voir effectivement qu'il y a rempli du Saint-Esprit. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit sous l'ancienne alliance. Le cas de Marie qui a été rempli du Saint-Esprit, le cas de Zacharie qui a été rempli du Saint-Esprit, le cas de Siméon qui a été rempli du Saint-Esprit. Tous les autres, là, quand tu entends Gédéon et autres là-bas, qui étaient remplis du Saint-Esprit pour pouvoir manifester certaines actions-là. Alors, vous voyez effectivement qu'eux n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Quand Marie fut remplie du Saint-Esprit, elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Quand Elisabeth aussi était remplie du Saint-Esprit, elle n'était pas. Même Anne, là, dans 1 Samuel chapitre 2, a été remplie du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est possible que dans notre marche chrétienne, qu'on puisse identifier, parce que quand tu parles de Noé, tu disais Noé était, il avait dit, mais il a quand même prophétisé quelque chose. Non, c'est un prophète. Donc, ce sont quatre. Les cas des prophètes, c'est tranquille, c'est difficile, c'est différent, okay. D'accord? Quand vous touchez un prophète, il faut faire attention à lui. Parce que... En fait, je voulais dire si c'est possible que dans notre marche, alors, on peut identifier des moments où on a été rempli du Saint-Esprit ou bien. Ça reste donc à la discrétion de chacun. C'est donc chacun peut savoir. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu fais quelque chose, tu sais que tu l'as fait, ce n'est pas ton action, ce n'est ni pas tes pensées, tu n'as jamais pensé à cela, tu le sais. Et pour chaque personne, c'est des degrés après degrés. Le Saint-Esprit peut vous utiliser, vous donner une solution à quelqu'un sans vous en rendre compte dans une conversation. Et puis vous voyez la personne part à un de ces jours et dit que, oh, merci ma soeur pour ce que tu avais dit. J'avais dit quoi? Il dit que je suis rentré, mais ça y est, fait exactement comme tu as dit là, ça a marché grave. C'est Dieu qui te disait pour te dire. Tant que tu rentres encore, tu es au miroir, tu dis, mais Dieu me connaît vraiment, vrai. Mais qu'est-ce qu'on devrait chercher? Le Saint-Esprit. C'est ici le point. Si chacun de nous, en tant que chrétien, si quelqu'un déjà est déjà arrivé au point où il sait que voici le this is the goal, this is the, voici l'objectif, voici donc le summum de ce qu'on devrait focaliser son attention, c'est qu'il a fait un grand pas de géant en avant. Parce que l'humanité semble être aveuglée par rapport à ça. Enfin, pas l'humanité tout entière, mais le milieu chrétien semble être aveugle par rapport à cette situation. Imaginez par exemple que si tous les chrétiens étaient, si tous ceux qui se réclament de chrétienté étaient focalisés sur cette attention, au point où on dit waouh, il faut qu'on le recherche. Vous voyez comment on va bouleverser la terre. On bouleversera la terre. Amen. Amen. Donc il faut qu'on se focalise sur ça maintenant. Amen. Ça veut dire que l'essentiel, c'est le Saint-Esprit, n'est pas le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. Amen. Je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Donc, l'essentiel sur le Saint-Esprit. Il a parlé en mathématiques, langage mathématicien. Oui, non, j'ai dit que pourquoi est-ce que le log de 1 là, c'est pourquoi si on n'a pas le Saint-Esprit. Oui, je sais que c'est 0. Mais est-ce que c'est 0 parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit? C'est exactement ce que ça nous dit. Puisque si ça ne sert à rien, ça n'a aucun nul. Ok. C'est comme si tu es comme un gentil. Bon, supposons que tu aies tous les papiers, tu sois une femme, tu sois de bonne nationalité, de bonne moralité, tu as le passeport sans le visa, ça te permettra de voyager. Non. Donc il n'y a pas visa free là-bas pour l'océan. Il faut le visa. Le contrôle est strict là-bas, à la frontière. Mais, si on n'a pas de question, tu peux répondre à la question que tu as posée toi-même. C'est quel? Le frère qui t'a parlé du Saint-Esprit. Ça là, c'est le plus important, Stéphanie. Okay. Laisse la fête de Noël arriver et avoir que par là. Ça, c'est pas ça qui va. C'est le plus important, c'est cet esprit. Je vais donc vous parler de façon brève avant qu'on ne quitte parce qu'il est déjà 2h15 et à 9h, je vais traverser la France. Donc, je vais vous parler de façon brève d'un sujet. Amen. L'attraction du Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu, et si vous n'avez pas encore vu, je vais vous citer, vous connaissez la personne de Nathanaël? Oui, dans le livre de Genèse. C'est dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Non, dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il faisait? Avec Jésus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait sous l'arbre? Il méditait. Comment il méditait dans un environnement hostile et qui était environné par des fausses doctrines telles que les doctrines des pharisiens, les doctrines des sadducéens? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette position, malgré qu'il y avait cette division et cette domination, et au-delà que chacun prenait sa part des versions bibliques, l'autre prenait sa part des versions bibliques? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'écart. Quand il s'est mis à l'écart, remarquez bien les différentes choses qu'il a commencé à penser. Il n'a pas dit que tous les pasteurs sont faux, toutes les dénominations, les églises sont fausses, et par conséquent, ça ne vaut plus la peine de croire en Dieu. Il a pris autre tenue. Quelle est la tenue qu'il a prise? Rechercher Dieu. Et il est allé rechercher Dieu dans un centre. Non. Chez un particulier. Non, tout seul. Tout seul. Donc, la première citation pour l'attraction de Dieu consiste à se replier d'abord en méditant sur ses échecs et ses déboires. C'est le premier acte pour la recherche. Souvenez-vous du Proverbe chapitre 8. À partir du verset 30, où le Seigneur dit « Heureux celui qui me cherche et qui veille à mes portes pour en garder les poteaux. » Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Il n'a pas dit « Heureux ceux qui, le groupe qui, non. » Il a dit « C'est lui. » Donc, c'est individuel. L'attraction du Saint-Esprit. Remarquez la personne de Nathanaël. Remarquez-le bien. Regardez un peu la situation géographiquement religieuse de l'époque. Avec tout l'embrouille qui se passe. C'est vrai que quand on est embrouillé, on ne peut pas être attiré par le Saint-Esprit parce qu'on sera attiré par les pensées humaines, des pensées et des doctrines humaines, et ça va nous embrouiller. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre à l'écart. Et quand il s'est mis à l'écart, la parole de Jésus montre clairement que cette mise à l'écart l'a attiré. Dans cette mise à l'écart, le Saint-Esprit enverra quelqu'un vers lui pour le mettre sur le droit chemin. Parce qu'en réalité, la personne dont il était question, prétendument que les doctrines devraient enseigner, était présente là. Parce qu'il est question dans le judaïsme de la personne du Mashiach qui doit venir pour sauver Israël de ses péchés. Il est question de lui là-dedans. Et il était en plein milieu. Et les gens se discutaient sur lui, à propos de lui, sans le connaître, alors qu'il était au milieu. Alors cette personne-là, voyant qui allait vers lui et qui le cherchait de tout le cœur, a envoyé quelqu'un le chercher pour le mettre sur le droit chemin. Donc, dans la recherche du Saint-Esprit, Dieu va toujours mettre au pas et sur la route ce qui vient à lui de la façon dont il veut. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Souvenez-vous de cela. De Dieu. Vous y êtes. L'attraction. L'attraction du Saint-Esprit. La première étape consiste donc à se débarrasser de toutes ces considérations humaines-là. Ne pensez pas que c'est quand vous serez avec les hommes que vous allez recevoir cette attraction. Remarquez bien où il se trouvait, sous le figuier, sous l'arbre. Il était là, caché là-bas. Mais regardez bien, le Saint-Esprit enverra quelqu'un à le chercher. Il a cherché, il a envoyé quelqu'un, André. Donc, dans la recherche de l'attention contre le Saint-Esprit, vérifiez qui sont les André envoyés vers vous. Ça peut être physique. Ça peut être un homme, un objet ou une circonstance qui est envoyé pour vous mettre là-bas. Les André là sont pleins dans les Saintes Écritures. Remarquez par exemple, je mets une pause là pour avancer dans le chapitre 4 de ce même livre. Regardez l'attraction du Saint-Esprit exercée sur la femme samaritaine. Vous avez lu cela? C'est l'eau, le besoin d'eau au puits qu'il a amené au puits. Et puis il a trouvé le Saint-Esprit personnifié là-bas. Vous avez remarqué cela? La soif de l'eau. Donc, vous voyez que chacune des choses peut vous conduire à cette source-là. Cette source intarissable qu'est le Saint-Esprit. Vous avez moi, mes soeurs? Alors, Nathanaël était là méditant sur son sort. Méditant, souvenez-vous de la position. Le fait que les gens sont faux, les gens lisent la Bible, tordent la Bible, chacun interprète la Bible, ça ne lui a pas donné l'opportunité de profiter de l'occasion pour dire que ça ne vaut pas la peine de lire encore la Bible. Ça ne vaut pas la peine d'aller dans tel quoi. Les gens sont faux, c'est sûr que même que Dieu n'existe. Parce que si Dieu lui-même existait, il ne devait pas permettre de telles choses. Les raisonnements que les gens font pour pouvoir aller sans le péché. Mais au contraire, il a dit, il faut que je voie clair dans cette histoire. Alors, pour l'attention du Saint-Esprit, il faut se retirer pour voir clair, toi, de toi à lui. On avance. Il faut donc sortir à la rencontre pour méditer. Remarquez très attentivement dans le livre de Genèse. La Bible nous enseigne que Isaac était sorti pour méditer. Et quand il est sorti pour méditer, on amenait la femme dont il attendait. Dans les champs. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Comme dans toutes les routes, là, il a seulement choisi l'endroit là pour aller méditer, n'est-ce pas? Et comme Einstein le disait, le hasard, ce qu'on appelle hasard, c'est Dieu qui passe inconnu tout. Alors, donc, comme pour dire que Isaac est sorti parmi toutes les routes, les lieux qui puissent être dans son environnement pour aller méditer, il a essayé d'aller dans la zone où on doit amener sa femme. Autrement dit, il n'y a pas de hasard dans le lieu de méditation. Quand on commence, lorsque vous mettez, comme on dit en anglais, your mindset, quand vous mettez d'abord déjà en pensée de méditer dans l'optique de comprendre, souvenez-vous du livre du prophète Daniel. Tu es bien-aimé. On dit que l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment est venu d'un vol. D'un vol. Après, il a atterri. Dès qu'il a atterri, il a dit que Daniel, tu es un bien-aimé. Vous voyez cela? Parce que le jour où tu as eu à cœur. Ah mon Dieu, la méditation. Le jour où tu as eu à cœur de comprendre. Quand tu as eu à cœur, quand tu as pris la chose à cœur, de comprendre. Il a pris à cœur qu'il faut que médite sur telle situation. Il n'a vu pas le livre du prophète Daniel, enfin, il n'a vu pas le livre du prophète Jérémie, que devait s'accomplir 70 ans. Il a vu ça dans le livre. Il dit, mais c'est pas croyable. Il faut que je voie clair dans cette histoire. Pas vrai, mes frères? La Bible déclare que l'ange est venu lui a dit, lorsque tu as eu à cœur, le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Amen. Donc, il faut donc faire donc la mindset, aller dans le cœur, réunir toutes ses facultés internes pour aller dans la direction de la méditation. Et lorsque cette faculté-là est réunie, il faut focaliser son attention sur la quête du Seigneur et de la rencontre personnelle avec lui. En effet, tant que cette focalisation de la soif de Dieu n'est pas conditionnée et concentrée à l'intérieur, on ne peut pas faire deux pas sans être rentré dans nos cils de vie. Ne vous inquiétez pas, on va déployer ça jusqu'à ce que ça finisse dans cette poitrine-ci. On avance. Amen. La Bible déclare dans ce livre de Daniel que lorsque tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Alors, lorsqu'on va dans la méditation, il faut vérifier que tout ce qu'on a sur le cœur est concentré pour avoir une réponse dans cette direction. Je vais revenir lorsqu'on va voir la réponse, comment faire par rapport aux mauvaises pensées, parce que l'une des solutions est contenue là-dedans véritablement. Parce que l'une des choses, c'est de savoir garder son attention sur un sujet de méditation. C'est très difficile parmi les chrétiens aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enseignement là-dedans. Mais par la grâce de Dieu, on va enseigner pour que les gens voient comment garder son attention. Dans la solution par rapport aux mauvaises pensées, je vais en parler profondément. Je ne sais pas combien de sens ça va prendre. Voici un sujet, le Saint-Esprit. Waouh! Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est zéro. Oui. Dans ce cas, il faut que toute mon attention y soit. Maintenant, gardez-vous à l'esprit que toute mon attention y soit ne veut pas dire que tu n'as plus travaillé. Parce que tu peux travailler tous les travaux que tu fais sans que ton attention ne soit focalisée là-bas. Daniel nous a montré clairement qu'il était au service du roi, au service de la nation, mais tout en étant assidu et régulier avec le Seigneur. Le cas de Joseph nous a encore montré cela. Ça n'a pas empêché que malgré qu'il vit dans la persécution là-bas en Égypte et qu'il soit persécuté également dans le cadre des songes. Le songe lui venait de part et d'autre. Le cas de Néhémie aussi nous montre clairement que malgré qu'il était le bras de séculier pour pouvoir verser de l'eau et le vin à servir le roi, ça n'a pas empêché qu'il passe dans la méditation et dans le jeûne, dans la prière pour prier pour sa nation. Il a pris ça à cœur. Et quand il a fait ça, l'attraction du Saint-Esprit est venue pour lui confier la mission restauratrice d'Israël. Avec moi, alors il y a des attitudes dont tant que l'intérieur n'est pas focalisé et totalement globalisé dans cette direction là, ça ne peut pas, ou on ne peut pas faire deux pas sans retourner vers les choses que nous avons vomi. Autrement dit, il y aura toujours les éléments extérieurs qui vont influencer notre intérieur pour nous pousser à défocaliser notre attention sur l'essentiel. C'est sur ces choses là on doit veiller, donc à l'extérieur et de l'intérieur. Il faut vérifier que ce qu'on a c'est ce qu'on a commencé à focaliser n'a pas été défocalisé. Et vérifier à l'extérieur les éléments qui viennent pour nous défocaliser de notre attention. Maintenant, lorsque le monsieur de Nathanaël était en train de méditer, quand Daniel, André était envoyé à son encontre, il a dit certainement bonjour, monsieur Nathanaël. Il dit bonjour. Vous voyez effectivement qu'il déconcentre, il détourne l'attention sur son sujet de méditation. Maintenant, il dit que nous avons trouvé l'homme de qui Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Elle dit, tu ne me tentes même pas là où tu es là. Vous voyez? Mais ici, la focalisation maintenant était faite pour accrocher sur l'objet même de sa méditation. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Il dit, dans ce cas, viens et vois. Alors, dans la recherche de l'intimité avec Dieu, il faut être attentif à la direction donc du Seigneur. C'est l'une des dérives encore ici. Il faut être attentif à la direction du Seigneur. De la même façon, il faut faire attention de ne pas être dirigé et amené à sortir de la voie par le. Je crois que lorsque nous voyons dans les femmes dans la sainteté, je crois que dans le féminisme, quelqu'un a donné un témoignage qu'elle avait une pression sur elle par rapport à la situation sexuelle par rapport à un homme. Au point où, désirant entrer dans le jeûne, quelqu'un qui est chrétien l'a appelé pour dire que tu en es déjeuné, il faut sortir du jeûne. Pourtant, la personne n'était pas au courant du jeûne. Vous voyez effectivement comment c'est subtil. Vous allez déjeuner pour prier pour qu'une pression baisse de vous. Quelqu'un qui est chrétien vous appelle pour dire que tu allais déjeuner, il faut arrêter le jeûne. Pourtant, c'est Satan qui veut que la personne envoie arrête le jeûne. Donc, il faut faire attention de façon subtile pour, dans une situation bien déterminée, savoir discerner la direction du Seigneur et discerner la direction de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on comprenne effectivement que dans le cœur, c'est sur quoi et c'est à quoi on en est d'aspirer. Ne doit pas être détourné. Si quelque chose fait pour détourner, pour que l'attention ne soit pas focalisée là-bas, il faut quitter rapidement. Nathanaël donc est venu vers Jésus. Et la première fois, souvenez-vous de André, le point focal pour pouvoir conduire au Saint-Esprit personnifié. Souvenez-vous du puits d'eau. Le puits d'eau, il attendait là-bas. Elle a eu besoin d'eau. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et puis il s'en est envoyé le retour. Le frère Francis, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Je peux continuer? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais donner toute votre attention. Savez-vous que Christ et la parole sont un? Si vous le savez, c'est un pas. Maintenant, je pose la question, comment le savez-vous que Christ et la parole font un? Si vous dites, je sais que Christ et la parole font un, et que vous remarquez effectivement que Christ et la parole font un, et que vous comprenez que ce que vous en avez dit, c'est que l'esprit et la parole sont un, alors ça devrait nous pousser donc dans une autre direction. Il faut que la parole habite en nous, véritablement. La parole habitant en nous, faisant son logement chez nous, c'est Christ en nous. Regardez très attentivement, laissez seulement faire. Lorsque nous allons venir dans ce processus de travail, vous allez remarquer, au fur et à mesure que la parole habite en nous, a grandi en nous, vous allez vous rendre compte que vous commencez à prophétiser. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que l'intérieur est transformé par l'image de celui qui est à l'intérieur. Regardez, je vais vous citer ce que mon grand frère dit. Oui, mon frère, vous pouvez parler. Je crois que son micro est fermé là. Le frère Camille parlait, non? Je crois que ça. Il a des problèmes là avec la connexion ou quoi? Oui, c'est ça. Mais mon frère, est-ce qu'on peut prophétiser sans être baptisé du Saint-Esprit? On s'est dirigé là-bas. Quoi, Marie qui a prophétisé avec les Zacharie, elle était baptisée du Saint-Esprit? Ah. Non, c'est vrai. Le frère Camille, tu avais levé la main pendant que tu en as parlé. Oui, je disais dans un sens que comment je peux prophétiser alors que le Père m'a dit que je n'ai pas été appelé dans cette fonction-là. Dans la fonction de quoi, frère? Dans la grâce de prophétie. Frère, amen. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère. Il m'entend même. Oui, je t'entends, frère. Sois béni d'éternité en éternité. D'accord. Je ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Oui, parce qu'il dit que Dieu lui a dit qu'il ne va pas prophétiser. Et puis il me demande, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a dit ça? Et tous les jours, il prophétise sur ses soeurs. Que le Seigneur te comble toutes ces journées-ci. Il vient de faire quoi? Non, mais pas ce type de prophétie, frère. Ah, donc ça veut dire qu'il y a le type de prophétie maintenant. C'est niveau par niveau. Donc, lequel des niveaux tu parlais? Je parle de niveau supérieur. Du don de prophétie. Non, ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Alors, écoutez-moi très attentivement une fois de plus. Il est question à l'Église de dévoiler les mystères de Dieu. Et ces mystères-là, ça vient sans que tu ne l'aies connu d'abord. Alors, il y a deux façons de les manifester. Soit tu l'as en révélation, en vision, et tu viens pour expliquer. Ou bien tu en as de parler, tu les déclares sans au préalable les connaître. Tu as compris? Amen. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Prenez 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Frère Francis, bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom. Je suis en petite pause là, donc je profite aussi pour nous servir un peu. Amen. Merci de nous servir vraiment. Nous sommes prêts à boire ce que tu vas nous donner. On ne coupe pas quand le repère est déjà lancé comme ça, on ne peut pas couper ça comme ça. On y va, vous allez un sabbat chapitre 2. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Oui. Lisons à partir du verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Attendons. Vous voyez, une fois de plus, on rencontre deux voix ici. Il y a la voix de Anne et la voix du Saint-Esprit qui entre en action. Vous avez revu cette chose quand ça a chuté? Ouais. Vous avez vu? Donc, à partir du verset 2, le Saint-Esprit prend maintenant sa voix pour commencer à parler. Je ne sais pas comment on va faire pour que les gens comprennent ces choses-ci. Maintenant, continuons. Donc maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, n'est-ce pas? Parce que là, il est en train de... En tout cas, lisons. Allons-y. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'art des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Amen. Oui, tu aimes trop ça. Je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Tu te fâches de moi. Continue. Là, je dis amen. Mm-hmm. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ah, il dit amen aussi à ça. Hein? Il dit aussi amen à l'autre là-bas. C'est la parole de Dieu. Continue. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il dit amen à ça. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. C'est bon. Car... Non, c'est bon. Maintenant, regardez très attentivement. Si vous lisez très attentivement, en suivant depuis le chemin, quand elle a quitté avec son mari, avec l'enfant pour voyager, si vous comprenez bien l'histoire qui se passe là-bas, si vous lisez dans le, si vous rentrez au chapitre 1, ça, le chapitre 1 finit au verset 28. Et le verset 28, la conversation avec l'enfant, avec le sacrificateur Élie, finit au verset 28. Après avoir fini toute la présentation, la Bible déclare qu'ils vont se prosterner là-bas, ils vont prier. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mmh. Maintenant, regardez la suite, la chute entre le chapitre 1, verset 28 et le chapitre 2, verset 1. Relisez maintenant le chapitre 1, verset 28, puis passez maintenant au chapitre 2, verset 1, et on va voir quelque chose. Allons-y. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera. Non, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il y a un point, normalement. Mm-hmm. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Oui. Et il se prosternèrent là Stop. Devant l'Éternel. Stop. Donc le Saint-Esprit nous donne le compte rendu maintenant. En étant en train de parler, que voici comment l'enfant va devenir. Il va se prêter, il va passer toute sa vie prêté à l'Éternel. Puis il y a un point pour montrer clairement ce qu'elle parlait. Et là maintenant, le Saint-Esprit ponctue maintenant pour expliquer encore que ce qui s'est passé après qu'elle ait dit cela. Il s'est prosterné, il s'est maintenant au pluriel. Donc tous ceux qui étaient là-bas se sont mis à genoux. Ils ont commencé à prier, c'est ça non? Il s'est prosterné et prié, c'est ça? Oui. Maintenant, allons au chapitre 2, maintenant, verset 1. Anne pria et dit... Stop. Donc, vous voyez effectivement que dans cette chose-ci, Anne s'est mise à prier. Elle a commencé à prier avec intelligence. Elle choisissait son mot pour faire. Et donc, au verset 2, au verset 1, c'est elle qui dit. Au verset 2, le Saint-Esprit prend sa langue en action pour déclarer les oracles du Seigneur. Oui. Bonsoir, le frère Eden, bienvenue. Nous sommes en train de manger dans le royaume de miel. Vous savez que la gelée royale, tu connais, n'est-ce pas? Que la parole est douce. Le royaume est un royaume de miel. Nous sommes à l'intérieur là. Tu vois que le propulsif et les autres choses là-bas, avec ça, ça fait que la reine de l'abeille dure plus longtemps, n'est-ce pas? On nous entend dans la parole qui donne la vie éternelle. Mmh. Ouvre ton micro et parle, mon frère. Il va seulement mourir de rire là-bas. Ouvre ton micro. Non, on ne t'attend pas. Il croit qu'il a un souci de micro là. Donc, apparemment qu'il est en train d'arranger son micro, vous avez vu les différents découpes. En fait, quand vous lisez la Bible, vous lisez seulement l'histoire de la Bible, moi ça m'étonne. Parce qu'il y a des moments où je réfléchis pendant un mois sur une virgule positionnée quelque part dans la Bible. Et j'en ressors avec des révélations. J'en ressors, je dis, C'est pas normal, Seigneur, que cette figure soit positionnée là-bas. Et puis le Saint-Esprit dit, en effet, ça ne doit pas se retrouver. Vous voyez? J'arrive avec quelque chose, avec notre travail sur la généalogie de Jésus. Et vous allez être surpris que Dieu vous amène dans le siècle, ça a été écrit, et dit ce qui s'est passé là-bas, le débat qui s'est positionné. Que c'est pourquoi il a permis que ceci soit ici comme ça, et ceci soit ici comme ça là. Vous dites, bon, c'est pas pour le public. Bon. Oui, mon frère Eden, rebonsoir et bienvenue. Quoi que tu aies connecté, mais je ne sais pas si ton micro donne maintenant. Merci. Mm-hmm. Merci. On est en service. Comment tu vas? Raconte-nous. On est en train de manger le rayon de miel. Là. Tu veux aussi goûter? Amen. Nous sommes allés là où tu nous as conseillé d'aller chercher. Je vais me connecter avec l'ordinateur pour que. Ok. En tout cas, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Parce qu'il faut que tout le monde ait la vie éternelle. On mange pour durer longtemps, comme la reine des abeilles dure plus longtemps. Là. Amen. À tout à l'heure. Merci. Alors, donc, mon frère Camille, tu vois effectivement qu'ici, non seulement la sœur Anne, notre grande mère ici, n'avait pas le Saint-Esprit en elle, mais elle a commencé à prier à un moment donné. Parce que, souvenez-vous, elle avait l'art de méditation. Parce qu'initialement, dans le chapitre 1, la Bible déclare qu'elle était debout faisant la prière. Elle avait de la maîtrise sur le cœur. Remarquez bien, son cœur était circonscrit autour des malheurs qui lui arrivent, de l'enfantement et de la méditation sur Dieu. Elle était focalisée sur Dieu. Il fallait qu'elle déchasse ça sur Dieu. Il fallait que Dieu enlève sa peine. Donc, elle avait l'habitude de la méditation. Quand je parlais ici de la focalisation, là, jusqu'à ce qu'elle sentit que ces choses étaient enlevées, le poids était enlevé du cœur. Quand ça a été enlevé, elle est allée, la Bible déclare qu'elle s'est levée là-bas et son visage ne fut plus le même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand elle est allée, Anna, Elkana a connu sa femme Anne et elle devient enceinte. Elle est donc revenue maintenant donc, au niveau de Silo pour prendre la présentation et faire donc, accomplir donc, le vœu qu'elle avait fait au Seigneur. À l'issue de ça, elle s'est prosternée. Donc, souvenez-vous de cela, elle avait l'art de la méditation. Elle était connue pour sa méditation intérieure. Et lorsqu'elle a dit de prier, le Saint-Esprit prend en bouche, elle commence à parler. Maintenant, le frère Camille, est-ce que Anne-Si est une spécialiste des prophéties? Non. Est-ce qu'elle avait le don de prophétie? Non. Est-ce qu'elle, à partir de ce jour-là, elle a commencé à dire Hé, Elkana, j'ai reçu un ministère de prophétie. Tu vas descendre là-bas, seul toi là-bas. Moi, il doit rester ici, assis pour travailler autour du sacrificateur. Oui, la soeur Karine. Oui, j'aimerais savoir. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la méditation et la prière. Non. En tout cas, ça, c'est une très bonne préoccupation. On va encore revenir sur ça. Je crois qu'en allemand, on en a parlé par rapport à la méditation. J'ai pris que le frère Eba puisse publier ça. Il a une quarantaine d'enseignements qu'il n'a pas encore publié. Alors, maintenant, la méditation, dans la méditation, gardez à l'esprit, je vais le dire doucement maintenant, parce que c'est dit vite, il ne faut pas que ça vous échappe. La prière dans la méditation, je crois qu'il faut que je le mette doucement de notre côté. Lorsqu'on entre dans la méditation, à un moment donné, le cœur est pris en charge par le Saint-Esprit lui-même. Il prie en nous. Et quand il prie en nous, à cet instant-là, on commence à prier la prière selon Dieu, pas la prière selon l'intelligence. Voilà cela. Donc la méditation nous aide à focaliser notre attention sur le Seigneur afin que le surnaturel entre en nous pour prendre notre nature et prendre le surnaturel au travers de nous. Que ça prenne sur nous. Voilà ce qu'il en est. Donc, ce n'est pas possible que vous méditez sans prier. Ce n'est pas possible parce que si le cœur qui médite, c'est un cœur qui automatiquement va prier. Parce que la prière, c'est de retourner à Dieu ce que vous avez vu ou les demandes automatiques. On dit quand la Bible déclare prier sans cesse, vous ne pouvez pas prier sans cesse, même si vous le voudrez. Même si vous avez toute la volonté de prier sans cesse, vous ne pouvez pas le faire. Parce que humainement, c'est parlant, c'est pas possible. Mais dans la méditation, quand le cœur exerce la prière, il peut prier sans que vous ne soyez même au courant. Parce que si tu es en train de parler à quelqu'un, la bouche avec laquelle tu parles est indépendante de cette autre bouche-là. Quand tu veux voir une vision, il suffit de vous regarder maintenant, mais pour voir une vision, ce n'est pas besoin de ses yeux pour voir cela. Parce qu'en dormant, on peut voir la vision. En parlant à quelqu'un, on peut voir la vision par rapport au Cameroun de l'autre côté là-bas. Parce que ce n'est pas par rapport avec ses styles des yeux qu'on voit cette vision-là, ça n'a rien à voir. Et par conséquent, la méditation forme le cœur, c'est-à-dire que la partie intérieure, vous appelez l'homme intérieur là, qui doit se fortifier là, à la prière. Et quand l'homme intérieur commence à prier, hey, il peut être à côté de vous parlant. Vous entendez? Voilà. Ça va, ma soeur? Oui. Vous allez me faire sauter de joie ici aujourd'hui. Alors, nous étions au niveau de l'attraction du Saint-Esprit. J'étais en train de montrer des personnages de ces différentes choses dans la Bible pour que vous voyez comment le faire. La première chose à faire, c'est d'essayer de dégager de toutes les choses qui peuvent créer le contact. Parce que le monde actuel et la société actuelle est conçue pour la distraction principalement et pour le péché. C'est faire en sorte que toutes les flèches, que, tout ce que nous regardons dans le monde est bombardé en direction de notre cœur pour nous créer des problèmes à l'intérieur de notre cœur. Et Jésus, notre Seigneur, en avait parlé dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Il dit, prenez garde de peur que votre cœur, prenez garde de peur que votre cœur ne s'apaisantisse par des excès de manger du bois et par les soucis de la vie. Donc si, ça, si les soucis de la vie entrent dans ton cœur, boum, tu es fichu. Vous voyez cela? On ne peut pas méditer. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Il faut prendre garde. Il ne faut pas que les événements, les circonstances qui changent, les problèmes de sécurité, les attentats qui arrivent dans le monde là-bas. La Bible déclare que le monde et les mondains seront dans l'angoisse par rapport à l'attente de la terre et ce qui doit arriver, par crainte. Beaucoup vont rendre l'âme. Mais à nous que nous sommes avertis, Dieu nous dit qu'on ne doit pas que notre cœur ne se trouble point. Ça ne doit pas paniquer à l'intérieur. Parce que ça se déstabilise à l'intérieur, on n'aura pas la focalisation sur la chose. Nous ne sommes pas ceux du dehors pour qui peuvent périr sans être secourus. Non. Ceux du dehors peuvent périr parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Nous, nous avons l'espérance. Et notre espérance, on peut, à partir de l'espérance, focaliser notre foi sur notre, l'objet de notre amour qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, l'extérieur, quand un chrétien est contrôlé par l'extérieur, il va mourir du même mort que le mondain. Les mêmes emprises. Or, remarquez très attentivement que vous pouvez être dans un environnement perverti. Mais le Saint-Esprit dit que dans cet environnement perverti, là, vous devez briller comme des flambeaux. Ça veut dire qu'il veut par là dire que les circonstances et les péchés à l'extérieur ne doivent pas t'influencer comme ça influence les autres personnes. Parce qu'on a une focalisation, un objet de notre amour qui nous tient la main là-dedans. Et par conséquent, il n'y a pas à dire qu'on va fuir le monde pour aller se cacher quelque part. Que non, mes frères Junior, allons acheter une forêt là-bas à l'ouest du Canada, au nord, là où il y a les hippies là-bas pour commencer. Quand tu vas construire là-bas, le gouvernement va venir là-bas pour ouvrir un centre de formation maintenant pour les gens qui font la natation et avec les fashion là. Où ça va commencer là-bas. On va fuir jusqu'à Léo. Jésus nous a laissé au milieu du monde. Il a dit, il a prié que le Père nous préserve du mal. Préserve du mal. Remarquez bien, on n'a pas dit préserve du mal, quoi, des péchés, il a dit du mal. Dans toutes ses formes. Et un texte nous dit que qu'on se garde du mal de toutes ses formes. Alors, donc, mes frères, il faut la focalisation. Et la focalisation est d'abord à l'intérieur. Il faudra que tout ce qui est à l'intérieur de nous soit nettoyé. Les mauvaises pensées, tout y est entré. Quel qu'en soit l'endroit où tu es allé, ce que tu as vu, les choses comme j'ai développé dans le livre, dans les enseignements sur les mauvaises pensées, des choses ont été déposées en nous, même à notre insu. Même à notre insu. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. C'est pas la méditation que ça doit sortir. On va arriver là-dessus. Donc, Dieu le voulant, je ne sais pas quand il va demander pour qu'on puisse parler de ces différentes solutions. C'est assourdissant lorsque vous allez voir les solutions dans la Bible. Comment la Bible pullule de ces solutions-là. Alors, maintenant, pour l'attraction du Saint-Esprit, quand quelqu'un se met en marche donc de ces différentes choses-là, en décide d'en découdre avec les choses du monde, à cet instant-là, il est sur la bonne partie d'ailleurs pour avancer avec lui. Les gens qui ne veulent pas s'en sortir pour poser la question, qui disent ah tout va bien, nous sommes les fils, Dieu nous a élevés par les fils, nous sommes les fils. Oh là, ils portent la veste, quoi que ça en faisant la veste, comme ça qu'ils le fils. Les fils de Dieu sont surnaturels. Vivent dans le surnaturel tout en étant naturellement dans ce monde-ci. Canada, la sainteté, bonne soirée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi. Alors mettons-nous dans la condition de l'attraction du Saint-Esprit. Mettons-nous donc dans la condition de l'attraction du Saint-Esprit. Lorsque ça arrive, les visions commencent à venir. Les songes clairs commencent à venir. Dieu commence à montrer les zones d'ombre qui y se trouvaient. Il commence à mettre en lumière les ténèbres qui étaient cachées dans nos vies. Et nous dirige dans la voie de la lumière. À cet instant-là, amen. Dieu envoie notre André. Souvenez-vous, votre André peut être un être humain, une voix, une direction, une chose, comme le cadre de l'eau que cette femme-ci avait besoin jusqu'à la conduire vers la voie de la sainteté. Alors, sortons comme la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 10, allons rencontrer Christ alors au-delà du camp. C'est hors du camp qu'on peut le retrouver. Allons au-delà du camp, portant son opprobre. Donc, il faut que chacun se charge en disant, il faut que j'en découvre une fois pour toutes avec cette nature pécheresse. Il faut donc que je vive la surnaturelle. Il faut que je fonce avec le Seigneur. Je dois en découdre jusqu'à ce que la réponse du Saint-Esprit vienne. Je dois en découdre. Amen. Canada, la sainteté, bonne soirée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.